Alexandre, comment allez-vous? Ah, merveille, c'en est alarmant parfois. C'en est alarmant. Alors, ce soir, toujours dans l'enseignement, dans le cadre des enseignements de la table ronde de l'Université mondiale, on va voir en compagnie d'Alexandre Lachance cette section numéro 2 là, qui fait partie de la loi de transmutation et qui est intitulée Évolution, épigenèse, involution. Alors, on va procéder comme à l'habitude. Je vais donc lire un chapitre après l'autre de cette transcription de l'enseignement théocristique lémurien. Et notre ami Alexandre Lachance va y aller de ses commentaires appropriés. Alors voilà, il est dit ici. La prochaine étape dans votre compréhension de la transmutation consiste à connaître la signification de ces trois termes fondamentaux de la science spirituelle. Évolution, épigenèse, involution. Ce sont des processus qui donnent un sens à l'existence de l'homme tri-un et qui vous permettront une meilleure compréhension des questions d'où, vers où et pourquoi. Tout désir de vivre doit s'appuyer sur une certaine forme de dynamisme. Et ce dynamisme, en gros, s'appelle avancement. Si d'une façon ou d'une autre les choses n'allaient de l'avant, tout espoir serait mort dans le cœur des hommes. La vie doit se mouvoir, elle est mouvement, et la question est vers où. Alors, en parlant du mouvement... Alors, le mouvement, c'est un autre thème pour la déité, pour la divinité. Le mot « théon », qui autrefois voulait dire « mouvement universel » ou « le mouvement perpétuel », c'est le théon dont on a fait « théos », on a fait « deus ». Alors, la vie, c'est du mouvement en circulation incessante. Alors, le mouvement, c'est la progression. Alors, il y a trois étapes qui s'appliquent respectivement aux trois éléments de notre nature, le corps qui doit, et l'âme et l'esprit. Et l'âme, le principe animateur, c'est le mouvement par excellence. C'est ça qui donne la mobilité et la motricité aux deux autres plans. Il existe trois conceptions sur ce qu'il advient de l'essence de vie durant son cycle d'incarnation visible. La première est la conception du matérialisme. La seconde est la conception du théologien, et la troisième, la conception du philosophe. Pouvez-nous donner un peu la différence? Il y a trois aspects, trois modes d'approche de ces grands mystères. Hein? Alors, le matérialiste ne voit qu'un début et une fin, sans précédence ni séquence, ce qui est contredit par toute la science maintenant, ou presque, et tandis que le théologien voit la vie comme une spirale. Hein? Une spirale ascendante, c'est-à-dire qu'il combine la ligne droite avec la ligne courbe, hein? Tout est courbe dans un univers circulaire. Tandis que le philosophe prend une attitude un peu plus réaliste. Il voit la nécessité de ce triple mouvement, de ce double mouvement, que le troisième, qui se manifeste comme progrès sur les trois plans, puisse se réaliser. Alors, c'est le métaphysicien ou le psychologue, ou le philosophe, qui a l'attitude véritable, qui est le point équidistant entre les deux extrêmes. Ce n'est pas le néant, ni la refonte dans l'absolu. La conception matérialiste de la vie peut être comparée à un point qui se déplace en ligne droite. Le point qui débute la ligne marque le moment où l'essence de vie naît dans le corps, tandis que le point qui termine la ligne marque l'instant de la mort. Pour le matérialiste, il y a un point de départ et un terminus. Pour lui, il ne peut y avoir rien en avant, et il est impossible qu'il y ait quoi que ce soit après. Ainsi, l'esprit, dans la mesure où le matérialiste est capable d'admettre une telle donnée, termine son existence avec celle du corps. Les cendres aux cendres, la poussière à la poussière. La conception théologique de la vie peut être comparée à un point se déplaçant sur un cercle. Le point n'a pas de lieu de départ, et par conséquent n'atteint jamais le but. Certains théologiens croient que le point commence à la naissance, mais lorsqu'il complète le cercle et atteint l'endroit où la mort surviendrait normalement, le point poursuit indéfiniment sa course en cercle. Au lieu de la mort, tel que conçu par le matérialiste, le théologien définit ce changement comme transition. Ainsi, l'esprit pénètre dans le corps à la naissance et le quitte au moment de cette transition. Mais l'esprit continue de vivre, car il est l'essence de vie. Sa destination demeure souvent une incertitude. Pour le philosophe, la conception de la vie peut être comparée à un point qui voyage en spirale. S'il existe un point de départ, il se situe si loin pour la vision humaine qu'il est complètement hors d'atteinte. S'il y a un point d'arrêt, il est si éloigné et bien au-delà des sphères de la connaissance humaine. Pour le philosophe, il n'y a pas de point de départ et pas de terminus, du moins dans les limites de sa perception. Pour lui, la spirale est une combinaison du cercle et de la ligne droite. Le cercle étant l'image du mouvement perpétuel, la ligne droite l'orientation vers un but, et leur combinaison l'ascension vers la réalisation. Dans la science moderne, les dernières élucubrations de la science, on a comparé cette spirale comme étant une double. On a même donné une nomenclature, spirale ascendante, spirale descendante, l'ADN, l'ARN et tout ça. Alors, dans un monde circulaire ou sphérique, il ne peut pas y avoir d'inertie, alors tout se dirige vers un but quelconque parce qu'elle est partie par un point qui est à l'intention du créateur. Et cette spirale nous ramène à son point de départ, qui est la réabsorption ou la réintégration avec l'infini, mais après avoir parcouru tout le périple de matière, de matérialité. Alors c'est là que l'aspect métaphysique ou l'aspect spirituel, véritablement, prend sa signification. Tout le reste, c'est éviter les issues des deux côtés. Pour le matérialiste, il n'y a qu'une réalité, le corps. Il vient à l'existence à la naissance et disparaît à la mort. C'est la philosophie de la ligne droite, de l'athée, qui croit que la mort est la fin de tout. Pour le théologien, il n'y a qu'une réalité, l'esprit. Il vient à l'existence à la naissance et poursuit son évolution par la suite. C'est la philosophie du cercle du christianisme conventionnel, qui croit que la transition est le commencement de la vie et non sa fin. C'est l'équivalent de dire que le souffle de vie existe avant notre captation, n'est-ce pas? Bon. Alors, quand on a expulsé le dernier soupir, la vie à laquelle nous nous sommes identifiés n'a pas cessé parce qu'on l'a imprégnée de notre ego. Alors, l'homme universel, le souffle vital, existe en permanence, qu'il soit capté par un individu, un ego quelconque, ou qu'il soit expulsé par l'ego, la vie continue à demeurer avec l'ajout qui a été fait par la participation de l'ego à la vie matérielle. Pour le philosophe, la réalité principale est l'âme, bien qu'il reconnaisse que le corps et l'esprit tiennent leur origine d'une vague de vie bien inférieure à l'humanité, il reconnaît aussi qu'une entité nouvelle est apparue, l'âme. Il sait que depuis la première incarnation de l'esprit dans un corps humain, l'âme s'est développée à travers une ligne ininterrompue d'expérience. C'est la philosophie de la spirale, de l'étudiant en ésotérisme, qui ne connaît ni mort ni transition, une fois qu'il embrasse la réalité d'un monde unique. Justement. Alors cette transition, ce n'est plus moins qu'un changement de palier. Hein? Changement de palier avec une extension de conscience, une expansion de conscience. À chaque nouvelle incorporation, ou à chaque nouvel jour que l'on reprend après avoir une période d'inconscience relative. Donc, cette spirale ascendante, il n'y a pas d'interruption. Elle est toujours en ligne droite, quoi qu'elle monte en cercle, vers un but, qui est la répétition ou la reprise du mouvement initial. On peut donc dire qu'à chaque expansion de la conscience, on pénètre un nouveau plan, un nouveau monde de conscience, imperceptiblement, de la même réalité unique. Réalité unique, quoi. Des choses que l'on fait tout le périple qui nous est destiné par celui qui nous a reproduit à son image. Et comme il est infini, alors notre expérience demeure infinie également. De façon à faciliter l'explication des éléments fondamentaux qui vont suivre, traduisons à nouveau le clavier cosmique, mais en relation cette fois avec le processus de pensée qui préside au développement du corps, de l'âme et de l'esprit. On devra de nouveau visualiser le clavier comme étant divisé en trois parties égales. Le tiers gauche est appelé évolution, le tiers central est appelé épigenèse et le tiers droit est appelé involution. D'où, l'évolution est un processus qui régit le développement du corps. L'épigenèse est un processus qui régit le développement de l'âme et l'involution est un processus qui régit le développement de l'esprit. En vous rappelant ces correspondances, vous maîtriserez bientôt l'un des concepts les plus ardus de la science ésotérique. Bon, le mot épigenèse consiste ni point à poursuivre la genèse du corps à travers tous ces changements qui sont faits au cours de son évolution. Et ce n'est plus moins la continuation de la création qui est maintenant tombée aux mains de l'homme. Alors que le créateur a donné le mouvement initial, et l'individu, étant doué des mêmes propriétés, des mêmes facultés de création, continue, poursuit la création. Alors, c'est l'extension de la genèse, des faits, des expériences et de la vie en général. Alors, l'évolution, c'est simplement cette tournée, mais qui n'est pas, qui est finie sur place, ni dans le temps, ni dans l'espace. C'est la conscience qui évolue, révolue et involue pour retourner au point de départ. Essentiellement, l'évolution est un développement graduel de formes de vie plus élevées à partir d'un niveau inférieur de matière animée. L'évolution ne concerne pas la vie elle-même, mais plutôt les formes dans lesquelles la vie est incarnée. Maintenant, pour qu'il y ait évolution, il faut que le véhicule dans lequel la conscience évolue soit lui-même en évolution, en gestation. Alors la conscience suit toujours le même cheminement que le véhicule et inversement. Le véhicule doit toujours être en accord avec l'augmentation de conscience qui l'intègre. De cette façon-là, c'est une progression sur les trois plans simultanément. Alors l'âme, aussi bien que l'esprit, subtilise le corps et le fait évoluer proportionnellement à l'évolution des deux autres éléments, afin qu'il soit tout à fait unifié, totalement unifié, que l'homme soit vraiment cet être triple qui est à l'intention de son créateur, qu'il devienne une réplique de lui-même. Alors la force cosmique se manifeste en se multipliant à l'infini. Est-ce que le développement de la conscience dans l'homme, là, ce serait une condition sine qua non pour permettre l'existence même de Dieu dans la matière? Autrement dit, s'il n'y avait pas de conscience ominale, là, Dieu n'existerait pas sur le plan physique. Non. Est-ce qu'on peut dire ça? L'existence de Dieu, c'est Dieu, c'est l'homme même. Hein? Autrement dit, il est comme un miroir. Croire en moi-même, c'est inévitable que je croie en Dieu. Hein? Alors, donc c'est Dieu qui se penche dans la création, nous sommes le miroir qui lui renvoyons son image. Exactement, en la faisant progresser. Je ne dirais pas la magnifier, mais l'élever à son niveau. Et quand le miroir est bien propre, dépouillé de toutes ses souillures, il réfléchit à la déité telle qu'elle est dans son originalité. Donc c'est une conscience qui prend conscience d'elle-même. Exactement. À travers le mot conscience et science partagée, ouais. Connaissance partagée. Puisque la vie habite toute forme, indépendamment de leur apparence, l'évolution débute par les rochers, les éléments chimiques et la terre de la vague de vie minérale. Elle se déplace vers les plantes, la vague de vie végétale, et se poursuit dans les insectes, les reptiles, les oiseaux et les mammifères de la vague de vie animale, pour aboutir finalement à l'homme et sa vague de vie. Durant tout ce processus, il y a une complexité de structures toujours croissante, qu'on appelle différenciation, et en même temps, une unification toujours plus grande et un contrôle harmonieux des forces de vie, qu'on appelle intégration. Maintenant, il y a ceci. Alors, le développement de la conscience ou l'expansion de la conscience, c'est devenir conscient, le mot s'impose malgré nous, de tout ce à travers quoi l'on a passé, et le cheminement qu'il nous reste à faire pour atteindre le point subliminal qui est au-dessus de tout ce à travers quoi l'on a passé. Et ainsi, la conscience, en faisant son extension, se magnifie graduellement jusqu'à ce qu'elle puisse devenir une avec l'auteur de toute conscience, avec Dieu. Alors, il n'y a plus de distinction à faire entre Dieu et l'homme, la vie et son véhicule. L'homme, c'est la vie dans toute son intégrité, dans toute sa complexité. Et quand l'homme a réalisé cette conscience totale, cette conscience divine, là, il fait partie de la vie dans sa totalité. Et il est détenteur de toutes les forces de la vie, par le fait même, il en fait partie. Et c'est branché sur l'infini. Et non seulement son âme, mais son corps devient également dynamisé par le fait qu'il est maintenant complet. Le pont entre l'esprit et la matière, là, c'est l'intelligence. C'est parce que l'homme est doté d'intelligence qui peut être le médiateur entre l'esprit et la matière. Alors, il se sert de l'intelligence comme du combustible. Un combustible très subtil, si vous voulez, mais c'est une manière de manipuler cette force subtile qui lui permet de faire la liaison entre les deux extrêmes, matière et esprit. Alors, l'intelligence, la cogitation, le mode de pensée qui est alimenté par cette force indéfinissable, l'intelligence est indéfinissable, n'est-ce pas? Alors elle existe en toute permanence. On nous dit dans l'Ecclésiaste, Salomon, qu'avant que la majeure fût, j'étais, hein? La Sophia. sauf là. Nous voyons donc qu'il existe actuellement quatre vagues de vie en incarnation sur la planète Terre. Chacune de ces vagues de vie, minérale, végétale, animale et humaine, possède des corps faits de substances physiques. Les différences dans la qualité de ladite substance dépendent de la qualité de la vie incarnée. À part les minéraux, les corps physiques, les trois autres vagues de vie s'étendent dans un plan supérieur à la matière chimique dense, l'étendue de cette pénétration étant ainsi déterminée par la conscience atteinte par l'atome germe. La monade, comme on l'appelle, Leibniz, n'est-ce pas? L'atome germe devient magnifié dans sa capacité d'extension. Et elle surajoute toute l'expérience qu'elle a acquise au cours de son cheminement dans la matière. Ainsi, le minéral qui est pratiquement sans conscience a seulement un corps physique. Mais la plante, avec une conscience de rêve, utilise à la fois un corps physique et un corps vital. L'animal possède une conscience de veille et utilise un corps physique, un corps vital et un corps astral. Tandis que l'homme, pénétrant dans la soi-conscience, utilise les quatre corps, physique, vital, astral et mental. C'est donc le point de départ de la captation des plans supérieurs. L'homme ayant atteint la soi-conscience, étant réellement conscient de son identité avec son créateur, de la source d'où il émane, là, à la possibilité d'atteindre ce plan supérieur qui lui permettra de faire cette ascension soudaine, cette transmutation de lui-même, d'abord de lui-même, et avec simultanément et concomitant la transmutation de tout son environnement. Et surtout, son environnement, le plus près, c'est son corps. Hein? Ce qui vous environne le plus, c'est votre corps, n'est-ce pas? Alors là, la transmutation se fait dans votre corps, non seulement dans sa capacité de captation des forces et de l'intelligence, mais aussi dans sa capacité d'irradiation. Alors le corps devient vraiment de l'esprit, la matière spirituelle, qui spire incessamment, de plus en plus rapidement. Alors il devient un dynamo d'énergie, branché sur une masse cellulaire. Alors l'homme devient une source d'énergie dont il aura toujours dû faire partie, ou être conscient qu'il faisait toujours partie. Et quand il a réalisé cela, ben là, il est branché sur l'infini. Son développement est inévitable. On voit donc du passage d'un règne à l'autre, exactement. Minéral au végétal, animal. Mais il y a toujours un corps qui est oui. Surajouté. Surajouté. Est-ce que ça veut dire que l'homme est un terminal ou il va y avoir un autre corps de rajouter, un cinquième après le mental? Il fait déjà partie, c'est pareil, comme les différentes couleurs se manifestent dès qu'il passe à travers la matière plus ou moins dense, n'est-ce pas, les couleurs du spectre solaire. Si la matière est dense, le corps est grossi, alors les radiations sont plus lourdes, hein? Plus inertes. Et à mesure qu'il progresse vers la subtilité, l'œil devient de plus en plus conscient de la totalité de son être. Alors il accepte, il adopte tout le spectre de la vie solaire. Est-ce que c'est ce cinquième corps et c'est ce qu'on appelle le supramental ou la conscience christique? On a ou... un tas de nomenclatures qui s'appliquent à ça. Mais on pourrait dire que ça fait tous partie d'une même entité indivisible. Hein? Oui. Pas comme les couleurs de l'arc-en-ciel, on ne peut pas faire de ligne de démarcation entre chaque. Et les gammes de l'arpège musical non plus, on ne peut pas faire de ligne de démarcation, parce qu'une est la répétition de l'autre, simplement, et l'extension de l'autre. Alors, ces corps sont un, et quand ils sont pleinement unifiés, on ne peut pas dire j'ai cinq corps ou j'ai sept corps, mon corps est septuple ou quintuple, mais il est total. Une sphère ne peut pas se diviser. Hein? Mais on va dire que ce qui fait sa particularité, c'est une fonction qui oui. Potentiellement est actualisée à ce moment-là. Est actualisée temporairement, bon. Tant qu'il n'y a pas eu accès à la fonction la plus haute. On parle de l'homme, là, mais maintenant, quand il a atteint un stage transhuminal, là, il a simplement atteint le zénith de sa capacité, de sa potentialité. Bon, et qu'est-ce que c'est qui ferait la particularité de ce qu'on appelle les anges? Voici, ils ont dépassé tous les stages d'évolution par leur participation à l'épigenèse, en créant eux-mêmes, en exerçant leur pouvoir de création. Là, ils deviennent de l'esprit pur. Alors, ils ont influence sur la matière environnante, leur propre corps, qu'ils peuvent s'utiliser à volonté, réduire à une masse simplement vibrante, alors qu'ils peuvent se coaguler pour des fins de manifestation dans le monde physique. Bon, mais est-ce qu'ils font partie d'une vague de vie humaine qui a précédé la nôtre? Définitivement. Ils sont le résultat du même cheminement que nôtre. Ça m'a surpris, parce qu'on n'en avait jamais parlé auparavant, que l'homme primordial était de nature angélique. Très bien, c'est acceptable. Dans ce sens qu'il n'avait pas encore de corps matériel. Et graduellement, ayant pactisé avec la matière, il a dû se ça engrossait dans la matière, mais il est toujours resté avec cette subtilité de sa nature à laquelle il pourra retourner dès qu'il réalisera qu'il a dominé cet aspect-là. D'accord. Alors, l'être angélique, c'est un être humain, mais seulement qui a dépassé l'humanité. Et s'est transhumanisé. Par conséquent, l'évolution humaine a traversé quatre étapes, mais ce n'est que la quatrième, lorsque l'homme atteignit le stade réellement humain qui est associé à notre planète Terre actuelle. Antérieurement à sa phase humaine de développement, l'homme évolua ailleurs. Ainsi, une vision à longue portée nous amène à la définition suivante. L'évolution est le développement du corps à travers divers plans successifs d'existence pour former un organisme parfait, capable de fonctionner comme un tout universel, unifié. On parle souvent de ces développements en termes de conscience dimensionnelle. Un être dimensionnel qui suit une voie linéaire, bidimensionnelle, une voie plane, un être tridimensionnaire qui a accès à une troisième dimension, et l'être complet, c'est un être quadridimensionnaire. La solidité n'est pas un obstacle à sa pénétration. La pénétration de son être aussi bien de son intelligence. Alors il pénètre à travers les trois états précédents de la matière. Il devient quadridimensionnaire ou vraiment spirituel. Il se tire à travers ça parce qu'il y a infiniment de vide dans la matière, même la matière la plus dense. Alors il interpénètre tous ces plans-là. Il les a dépassés. Et son épigenèse consiste simplement à passer à travers ces modes de restriction pour atteindre la liberté sur les trois plans de manifestation. Le contraire d'évolution et d'évolution. Alors là, oui. c'est retour au néant, réabsorption. Tel que c'est écrit ici, le contraire d'évolution et d'évolution. Oui, d'évolution, je dirais retour à l'absorption totale par les grands tout. Mais okay. Il y a lieu de discuter ce point-là. Okay. Alors, par dévolution, c'est... Ou une rétrogression, prenons le terme rétrogression qui s'appelle. Oui. Qui est rétrogression. Bon. On est rétrogradé, c'est retourner en arrière, n'est-ce pas? Alors, ça se conviendra mieux, ce sera plus précis ce que je veux dire. Alors, rétrogression, en contraste à progression, n'est-ce pas? Oui. Par rétrogression, on entend ordinairement dégénérescence de l'espèce ou retour à quelque état antérieur d'existence. Justement. Oui. On considère les anthropoïdes comme une dégénérescence de la race humaine originelle. Bien qu'il existe encore une école de pensée qui enseigne que les anthropoïdes sont les ancêtres de l'homme moderne. On constate que c'est faux maintenant. Même Darwin n'a jamais voulu préconiser ça. Cependant, le soi-disant chaînon manquant n'a jamais été identifié et la théorie de Darwin n'a seulement dit que les anthropoïdes et l'homme ont une origine commune, mais non qu'ils sont ancêtres l'un de l'autre. Oh, définitivement. Une origine commune sur le point de vue matériel, mais l'un n'est pas l'ancêtre de l'autre. C'est impensable. Par ailleurs, la théologie chrétienne fait référence à une descente ou une chute de l'homme. Cette doctrine soutient que l'homme a été créé plus parfait qu'il l'est aujourd'hui, puis a dégénéré à cause du péché. Par parfait, on pourrait traduire, moi, la question par sens plus subtil qu'il le fut dès qu'il a fait son apparition sur le plan. C'était simplement plus subtil, moins grossier. Plus près de la source. Exactement. Simplement. Oui. Il est dit que maintenant, il est en train de réintégrer sa condition supérieure originelle. Cette doctrine prend plus de valeur si nous pensons la chute de l'homme non comme une dégénérescence du corps, mais plutôt comme une involution de l'esprit. L'esprit, en évoluant, s'intègre à la matière. Naturellement, la matière subit une chute, hein, parce qu'elle attire cette force spirituelle qui l'immobilise pendant un certain temps. Et tout le temps de cette durée, sur le plan matériel, l'homme se sentira immobilisé ou retardé dans son cheminement. Alors, la seule voie d'évolution qu'il a, c'est de spiritualiser, de subtiliser sa matière afin de croire, savoir qu'il n'est plus paralysé par l'opacité de son corps. La rétrogradation et l'involution sont différentes, même si le dictionnaire définit l'involution à un endroit comme une transformation rétrograde. Au sens propre, involution signifie l'action ou le processus d'enrouler ou de lever sur soi-même. Appliqué à l'essence de vie, l'involution est un enroulement centripède sur soi-même de l'esprit, un mouvement de spirale vers le centre de sa propre création. Il s'agit dans un sens de la descente de l'esprit dans la matière, quoiqu'en réalité l'esprit et les matières ont toujours coexisté, mais pas toujours dans une relation de soi-conscience. Justement, alors ce sont deux modes vibratoires apparemment opposés en manifestation, mais qui sont de même nature. L'une peut être lente, l'autre plus rapide, mais ils ont tous les deux le même caractère. Le mouvement vibratoire est identique à tout ce qui existe dans l'univers, parce que, comme je le disais au tout début, la vibration, le mouvement perpétuel, c'est la vie. Et la vie, c'est théon, le mouvement. Qu'il soit rapide ou qu'il soit lent, il est de la même nature. Tout comme l'évolution concerne le perfectionnement du corps vers l'extérieur, ainsi, l'involution concerne le perfectionnement vers l'intérieur de l'esprit. Oui, alors, c'est deux forces qui s'entrevêchent, mais qui se marient simultanément à chaque stage de la révolution. Alors, ces deux forces-là deviennent l'une l'autre, comme le mâle, la femelle. Le mâle devient plus agressif, la femelle plus submissive. Mais les deux sont de même nature, parce que finalement, ils fassent un tout bien cohérent. Alors, esprit et matière, deux aspects d'une même entité. Rappelez-vous, tout ce qui est vivant bouge, et tout ce qui bouge doit avancer ou reculer, monter ou descendre. L'esprit de l'homme doit être perfectionné tout comme son corps, ses émotions, son mental et son âme doivent être perfectionnés. Rien n'est stagnant dans la vie. Rien ne demeure ce qu'il était hier, aujourd'hui et sera demain, rien sauf la vérité. Et la vérité est un concept abstrait qui n'autorise aucune réponse. Référence Jean 18, 38. Alors la vérité de tout cet enseignement se résume à ceci, que l'évolution ou la progression sur les trois plans, le plan physique, corporel, le plan animique, la captation d'une plus grande quantité d'énergie vitale, et le plan spirituel, la compréhension par le biais de l'intelligence et de la cogitation, font que l'homme devient une entité parfaite, totale, dans laquelle il n'y a pas plus de prédominance du matériel que du spirituel. Alors les deux, si on laisse la vie agir entre les deux, sont équivalents et équidistants. Alors l'homme est un être binaire, détenteur des deux pôles de la vie, l'âme et le corps. Et comme esprit, il est le spectateur ou le témoin de ce qui se passe en lui à mesure qu'il progresse à travers son cheminement sur la terre. Son but est donc de devenir ce qu'il était originellement. Et par tout ce cheminement, il finit par réaliser enfin « je suis cela », comme disait l'ancien. Alors, être cela, ben, c'est simplement être la totalité de la vie. Et temporairement, il doit manifester sur un plan grossier. L'involution et le développement de l'esprit à travers des vagues de vie successives pour aboutir à une essence de vie perfectionnée qui remplit son rôle lorsqu'elle est devenue le Dieu universel. Le Dieu universel? Le Dieu. Le Dieu universel, oui. Ben, Dieu, oui. C'est de totum, c'est de tout, n'est-ce pas? Oui. Alors, il n'y a pas de séparation. Quand l'homme est devenu Dieu, la race humaine tout entière est devenue ce qu'elle était originellement. Elle est partie du Créateur et retourne au Créateur. C'est son inspire, après son expire. Alors Dieu encore, pour homologuer le mouvement universel. Alors l'homme est devenu un avec le mouvement universel. La manière la plus simple pour visualiser le processus d'involution est d'imaginer la vie s'entourant en spirale vers le haut, formant ainsi un cône, de sorte que plus elle avance, plus elle aboutit à un point commun, le centre absolu, mais sans jamais atteindre pourtant le centre exact qui est Dieu. En géométrie, on appelle développement une courbe mobile engendrée par une ligne droite qui s'enroule sur une courbe fixe. À partir de cette définition, on peut envisager l'essence de vie comme un esprit mobile et progressif qui se dirige vers Dieu en fonction de sa capacité d'introspection vers sa source. Justement, c'est la nostalgie que l'homme éprouve de retourner à la maison du Père. C'est une formule qui m'est chère et chère à tout le monde qui veut comprendre instantanément en quoi consiste l'évolution, le retour à l'état originel. Souvenez-vous, l'esprit est toujours Dieu. Ce qui change n'est pas son... qu'il a de son identité. Alors, si le but de la vie est l'expansion et l'extension de la conscience, l'homme doit se déchirer, doit devenir un avec sa source. Hein? L'homme est Dieu sous forme humaine, des répliques de Dieu, des multiples manifestations de Dieu, hein? Des projections à travers tout le cosmos. Et quand toutes ces projections sont cohérentes, et la force de cohérence, ben, c'est l'harmonie universelle, l'amour, quoi, l'amour universel. Alors, il n'y a plus l'homme et Dieu, il n'y a rien que Dieu. Il n'y a rien d'autre chose. Et Dieu et l'homme en fait partie. Donc, l'évolution n'est pas une descente, comme cela est souvent enseigné en ésotérisme, mais un mouvement vers l'intérieur. Ce mouvement vers l'intérieur fait progresser l'esprit un peu de la même manière que le mouvement vers le haut fait progresser le corps. La science ne prend en considération que le développement de la structure visible, l'évolution de la forme. Elle omet souvent de tenir compte de la vie qui habite la forme, le développement de l'essence de vie qui anime la forme, l'évolution de la vie. En général, la religion ne tient compte que de l'aspect spirituel de l'existence humaine et a tendance à insister sur l'idée que l'essence de vie est l'unique possession permanente. Avec la science, l'accent est mis sur le corps et son évolution en forme humaine, le moment où l'esprit en prend possession dans la mesure où la science est prête à admettre l'existence de l'esprit. Par contre, avec la science, l'accent est placé sur l'esprit lui-même. À partir de ce point de vue, l'esprit de l'homme a été créé en premier, et c'est cet esprit qui a façonné le corps bien avant que le corps ne commence à évoluer, dans la mesure où la religion est prête à admettre la réalité de l'évolution. Justement, alors... Au début, était le verbe, hein? le mouvement vibratoire. Et ce n'est que graduellement, pour l'individu aussi bien que pour la collectivité, pour l'espèce, que le corps s'est développé à partir de ce mouvement giratoire initial. Mais les deux existaient simultanément au tout début, étaient en potentiel. C'est une force binaire qui s'est scindée, ni plus ni moins, par le sectionnement des deux aspects polaires. Encore une fois, les deux points de vue sont justes. La science et la religion ont souvent raison dans leurs champs respectifs, mais elles ne vont pas assez loin. Elles s'arrêtent juste avant de reconnaître une vérité monumentale, à savoir que l'essence de vie au niveau humain peut individuellement orienter les processus d'évolution et d'involution, le perfectionnement du corps et de l'esprit. L'expression individualisée de ces processus sous la direction consciente de l'atome germe égotisé est connue sous le nom d'épigenèse. Poursuivre le travail de la genèse, le mouvement initial de vie, le continuer, parce que l'homme est un poursuit la création. Le créateur en a donné l'impulsion initiale et l'homme doit poursuivre cette impulsion par sa capacité qu'il a de créer et de procréer. Procréer l'emploi à tous les sens. Plusieurs personnes semblent croire que l'évolution du corps et l'involution de l'esprit ne sont que des méthodes par lesquelles la connaissance, présente en soi, peut être remémorée ou réclamée. Il s'agit là d'une erreur courante qui devra être clarifiée avant que nous puissions aborder la vérité. L'homme s'est incarné sur la vague de vie humaine, non pas avec la connaissance totale, mais avec la faculté d'acquérir la connaissance totale dans la mesure où il s'y applique. Le mental est l'instrument au moyen duquel l'homme peut obtenir cette connaissance. L'âme est cette connaissance elle-même acquise par l'assimilation de l'expérience. Par conséquent, le facteur qui préside à l'étendue de la connaissance effective de l'homme est son pouvoir d'assimilation, c'est-à-dire son habilité à bien apprendre les leçons que ses expériences ont choisi de lui enseigner. C'est là que l'homme se magnifie à mesure qu'il est profite de ses expériences. Donc l'âme est la connaissance elle-même acquise par l'assimilation de l'expérience. Précisément. L'expérience est le moyen qui mène à la fin. L'âme, le principe animique, et la capacité de tout animer autour de soi. C'est là que l'instinct créateur entre en jeu. Je puis maintenant le créer parce que je fais partie de la force créatrice de l'univers. Mais si l'homme se contentait de suivre des schémas conçus par un créateur antérieurement à l'existence humaine, l'originalité serait impossible. Il deviendrait un simple imitateur, répétant ce que d'autres ont déjà fait. Et nous savons que l'homme est plus qu'un imitateur, c'est un créateur fait à l'image et à la ressemblance du Créateur suprême. Donc, l'homme n'est pas enfermé dans des limites qui lui enlèveraient la prérogative de se perfectionner selon le schéma qui lui convient. Justement. Alors, l'homme, étant doué d'une volonté libre, peut faire ce que bon lui semble. Alors, sa propriété, son privilège, c'est de créer à sa propre image, tout comme le Créateur l'a créé à son image. Il faut pour cela qu'il y ait une liberté ou un libre arbitre au niveau de l'imagination aussi. Oh, effectivement, l'imagination n'a pas de limite, oui. Oui. Parce que ce qui a coûté la fin des civilisations telles que la civilisation égyptienne, c'est proverbial, oui. Ce manque d'imagination. Un enfant ne pouvait pas faire autre chose que recopier ce que son père était avant lui. Alors, la notion de progrès, aujourd'hui, au niveau de la conscience, elle est reliée... au libre arbitre, à la liberté d'expansion de conscience et d'extension d'action. Et d'imaginer. Oui, imager. On en a beaucoup parlé, et puis de plus en plus, on préconise cette faculté de visualiser, se visualiser dans des conditions de plus en plus efficaces. Hein. Donc, ce serait dangereux pour l'évolution de vouloir faire en sorte que nos enfants nous ressemblent. Ils doivent nous dépasser dans un certain sens. Oui. On ne peut pas leur imposer notre modèle. Oui, non, ça serait la rétrogression, définitivement, oui. L'homme est un ego autoconscient qui possède un mental dont la fonction est de mouler l'environnement de l'esprit avec lequel le corps entre en contact. Le mental est ce véhicule qui procure à l'homme la faculté créatrice qu'il recherche. Cependant, cette créativité ne résulte pas de l'activité de l'atome lui-même, que d'une réorganisation ou d'une transmutation des atomes déjà existants. En ce sens, l'homme crée lorsqu'il transforme le bois en table, mais il qualifie lorsqu'une maison devient une habitation. Là, il a mis son élément personnel. Alors, la matière est préexistante, c'est à son moyen d'activité, mais le reste sera sujet à son imagination. Plus l'image sera grandiose, plus la création sera réelle. Autrement, ce sera de l'imitation ou de l'adaptation. Le terme que nous attribuons au processus de production ou de création est genèse. La genèse est l'enfantement d'une idée dont la précipitation dans la matière physique constitue un test de réalité. Tout débute par la genèse et à partir de cette création originelle, la vie s'exprime selon son impulsion initiale. Une question alors se pose. Y a-t-il une seule création ? Ou y a-t-il plusieurs créations? Le même principe d'un seul univers ayant plusieurs différenciations de fonctions peut-il s'appliquer à une création unique ayant plusieurs ou une infinité de modes d'adaptation? Voici, on parle de différents plans de conscience sous la nomenclature de planètes. Hein? Alors, tout ce sont des modes de vie qui ont reçu des vagues de vie proportionnelles à l'expérience que les entités, les égaux, avaient subi dans les plans inférieurs. Et quand l'homme a envisagé toutes les possibilités de son système planétaire, ben, de la conscience solaire, hein? Alors là, il est en mesure de tout voir, de tout comprendre et d'agir en maître, en créateur, dans tous les domaines. Il est évident qu'il ne peut exister qu'une seule création s'il n'existe qu'un Dieu. Nous savons déjà que Dieu s'est différencié lui-même en différentes vagues de sa propre essence de vie. N'est-il pas alors possible et même probable que chacun de ces égaux différenciés sur la vague de vie humaine, par exemple, possède la même puissance de création que le Dieu universel duquel ils sont composés? L'homme peut-il être constitué? Ouais, il y a quelque chose qui manque, il manque un mot là. L'homme peut-il être de l'essence divine sans posséder le même potentiel que son créateur? Et de même nature. D'abord, hein, étant de même nature, les mêmes possibilités. Si Dieu comprend le processus de la genèse, comme c'est nécessairement le cas, l'homme ne peut-il pas, pareillement, comprendre aussi ce processus en recevant la connaissance nécessaire? Prenons Dieu comme le prototype, sans vouloir faire une image assez grossière et presque anthropomorphique. Prenons Dieu comme le prototype qui se reproduit à l'infini. Et sur la vague humaine, Il s'est reproduit afin de multiplier sa création, faire l'épigenèse. J'ai créé, je leur ai donné l'impulsion de créer, c'est à eux maintenant de poursuivre ma création. C'est d'ailleurs le but pour lequel Dieu s'est reproduit en si grand nombre à travers les âges. Alors, Dieu, c'est... Ou l'homme, c'est Dieu sous forme humaine. L'homme est Dieu sous forme humaine. Il faut donc que Dieu devienne homme sous forme divine. C'est un Dieu en exil, l'homme. En exil, voire qu'il retourne au bercail. Ah oui. Le terme que nous utilisons pour expliquer le processus par lequel l'homme s'adapte à la création originelle pour poursuivre sa propre évolution individuelle est l'épigenèse. L'épigenèse est la création de nouvelles conditions en plus de celles initialement créées par Dieu. Épigenèse vient du grec épi, signifiant sur, dessus ou par-dessus, et genèse signifiant processus de création. Le processus de continuation du mouvement initial. Maintenant, quand on emploie ce terme-là, on a eu tellement d'idées préconçues au sujet de ce que Dieu est, avec tout le culte qu'on lui a donné, à partir du plus péril aussi bien qu'au plus évalué. On ne réalise pas quand on parle de Dieu, on parle de la vie, avec tout ce que comporte de capacité. Alors, pour dire la vie, ben là, on comprend mieux que ce n'est pas une abstraction métaphysique, mais une abstraction imperceptible. Mais si Dieu est la vie, pourquoi est-ce que dans l'Ancien Testament on parle de ce Dieu Yahvé qui est... Mâle, femelle, oui. Yahvé, c'est la décomposition de la monade en Dieu. Oui. Yahvé, Yehovah, Yahvé, les quatre éléments primordiaux. D'accord. Alors c'est un phonème que l'on a fait. Yahvé, c'est en réalité ces deux aspects, actif et passif, mâle et femelle. L'étudiant comprendra maintenant ceci. Étant donné que l'homme ne peut pas créer l'atome à partir duquel émane la création universelle, son unique possibilité pour agir sur l'élément originel du Dieu qu'il cherche à rejoindre consiste à reconstruire ou à reconditionner l'atome, manifestant ainsi la création d'une réalité nouvelle. Appliqué au corps physique, ce principe permettra à l'ego de conditionner son véhicule de manière à renforcer ses vibrations et subtiliser sa structure, rendant ainsi possible sa pénétration dans des plans supérieurs. Maintenant, si la vie est vibration, si la vie est mouvement, alors renforcer, accentuer, accélérer son mode vibratoire, c'est uniquement se rapprocher de notre état originel. Quand l'homme vibrera au même niveau que la vie dans son origine vive, là, il sera véritablement Dieu de son environnement. Et la race humaine tout entière, c'en est plus ou moins Dieu. Il n'y aura plus le Dieu là-haut et le Dieu ici-bas. Alors, ça prend un tout homogène, indissoluble. Alors, il y aura une entité totale. Il n'y aura plus de binaire. Il n'y aura plus Dieu et l'homme, l'homme et Dieu. Il y aura Dieu ou bien l'homme. L'homme du ciel. On dit, Dieu, c'est l'homme du ciel et l'homme, c'est le Dieu de la terre. Ça s'applique bien. C'est un peu ce qu'Aurobindo appelle la conscience divine. Exactement. Soit, c'est la manifestation de cette conscience. Oui. La conscience divine. Là, il n'y a plus de conscience personnelle parce que l'homme est homologué et est identifié avec la totalité. Ça, c'est des tâches qui peuvent venir par le fait de grâce, hein, et à force de cheminement. Mais quand un homme a réalisé ça, ben, il n'y a plus rien à réaliser. Il est cela. La difficulté, là, si on comprend bien, c'est presque une osmose avec cette conscience-là. Notre difficulté, c'est parce qu'on rejette ou parce qu'on se définit par exclusion, toujours. Justement. Donc, on n'est pas Dieu tant qu'on n'est pas capable d'intégrer Justement. Dieu. C'est l'ego qui fait ce jeu-là. L'osmose, c'est l'émanation de l'un dans l'autre, n'est-ce pas? Que ce soit sur le plan biologique ou sur le plan ontologique, c'est toujours la même chose. Alors, un suintement de Dieu. Ouais. Et tant qu'on se définira comme « je suis chrétien parce que je ne suis pas musulman, je suis blanc parce que je ne suis pas noir, je suis ceci parce que je ne suis pas cela », à ce moment-là, on va s'exclure de cette conscience divine. Oui, ben oui. Alors ça, c'est le séparatisme. Oui, à tous les niveaux, on procède comme ça. Oui. Alors là, ça mène au néantisme, l'anéantissement de l'être véritable, la conscience totale. L'objectif implicité de l'esprit égotisé, en se servant d'un corps physique dans le plan physique, est de lui permettre de savoir comment reconstruire ou reconditionner l'environnement physique par la pensée. Rappelez-vous, l'esprit est ce qu'il est à son stade humain par son identité égoïque. L'identité égoïque est l'essence de vie individualisée par la fonction consciente du mental. Tandis que le mental fonctionne consciemment au moyen d'instruments comme la mémoire, la raison et l'intuition, Il nourrit l'ego d'expérience, expérience sur la manière dont le mental contrôle et conditionne le corps et l'esprit, ainsi que les processus d'évolution et d'involution respectivement. Alors le mental devient le moyen et l'âme le fruit de toute création humaine. L'âme, c'est capable d'animer tout ce qui est inerte dans son environnement, aussi bien qu'en lui-même, dans son environnement immédiat, que son corps devienne un dynamo d'énergie radiante. Au fur et à mesure que je lisais cette phrase, là, l'esprit est ce qu'il est à son stade humain par son identité égoïque. L'identité égoïque est l'essence de vie individualisée par la fonction consciente du mental, tandis que le mental fonctionne consciemment au moyen d'instruments comme la mémoire, la raison et l'intuition. Il nourrit l'ego d'expérience. Et puis là, je pensais, et l'ego récupère tout ceci à son propre compte. Et puis c'est ça l'erreur. Il s'en a pas pris. Oui. Alors ça fait partie du même. C'est comme une fausse conscience. Justement. Il y a une conscience, mais elle est fausse, elle est déplacée. Elle n'est plus dans le centre, non. Là. Alors, elle est excentrique et égocentrique. L'épigenèse est ce facteur qui préside au développement de l'âme. À son tour, le développement de l'âme constitue le niveau auquel le corps et l'esprit de l'ego individuel ont été influencés et conditionnés par l'effort personnel. L'épigenèse demande de faire usage d'initiatives personnelles. La génération personnelle d'une puissance créatrice qui forme de nouveaux effets à partir de causes nouvelles. Il s'agit en un mot d'une transmutation de l'essence de vie incarnée, d'une soi-conscience à la conscience du tout, d'une faiblesse corporelle à la puissance de l'âme. C'est là que le cheminement devient de plus en plus apparent et probant. C'est là qu'on a la preuve de ce cheminement-là. Quand on devient maître de son environnement, et l'environnement le plus immédiat, l'environnement, notre propre corps, qui devient une centrale d'énergie. Et cette énergie, c'est l'énergie divine dont nous sommes les détenteurs. L'homme peut tenir main. L'énergie que je possède, que je détiens, c'est l'énergie du cosmos tout entier. J'en suis le détenteur. Une centrale de réception. Il s'agit donc de transmuter l'essence de vie un peu comme un alchimiste au niveau de l'alchimie spirituelle. Exactement, oui. Va transmuter. Elle est transmutée en travaillant dessus et en lui introduisant plus d'énergie qu'il n'en possédait originalement. On dit que l'alchimie consiste à introduire dans la matière plus d'énergie qu'elle en contient normalement. Est-ce que la conscience est directement reliée à la qualité de l'énergie? Oh oui, oui. Définitivement. Et qu'est-ce que c'est qui peut entacher cette qualité d'énergie chez nous? Le manque de vision, d'imagination. Hein? Bon, justement. Alors, l'imagination magnifie les choses. Hein? Alors, magnifier les choses, c'est réduire, les monter à leur plus haut potentiel. Alors, l'imagination, faculté d'imager, puisque l'homme est à l'image de son créateur, et tout ce qu'il produit doit être à son image, à l'image qu'il a de lui-même et de son créateur. Alors, l'image, c'est tout. Et là, il y a de la magie dans l'image. L'épigenèse est le développement de l'âme qui va de l'impuissance de l'expérience non assimilée à la toute puissance d'une connaissance appliquée pour culminer à la conscience totale par l'ego de sa maîtrise absolue sur lui-même. Gardez constamment cette définition à l'esprit car elle répondra à la question primordiale sur le pourquoi de l'existence humaine sur cette planète. Si Dieu est omniscient, toute sagesse et tout amour, et que l'homme est une émanation de son essence de vie universelle, il doit exister une bonne raison pour que l'être humain soit obligé de connaître la vie terrestre avec ses peines et ses souffrances. Il y a une bonne raison, et c'est celle-ci. L'homme est potentiellement aussi puissant que son créateur, mais lorsqu'il entreprend son pèlerinage d'ego individualisé, il n'en a pas conscience. C'est dans le but d'acquérir cette conscience de sa puissance dynamique divine, sujette à sa volonté personnelle, qu'il s'incarne de nombreuses fois, apprenant ainsi les lois de l'action du mental. C'est à mesure qu'il poursuit ses pèlerinages multiples à travers la matière, il devient de plus en plus conscient de son omniscience, de son omnipotence. Donc l'épigenèse, c'est très relié à la volonté réelle. Oh oui, c'est en fait la volonté. Vouloir, c'est la force motrice de tout. Ok. C'est ce que vous avez fait durant de nombreuses vies, apprendre les lois qui régissent l'action du mental. Par moments, vous avez fait des erreurs de jugement et vous avez souffert. Dans votre souffrance, vous avez modifié votre première attitude et vous avez vécu des moments plus agréables. Peu à peu, vous avez compris l'importance de vivre en harmonie avec les lois de la nature et en même temps de planifier votre futur en ayant confiance dans votre capacité de maîtriser les problèmes qui se présentent à vous, problèmes engendrés par une force non développée. Alors, toute cette expérience acquise au cours de nombreuses vies qui forme maintenant partie de votre principe animique, c'est le résultat de toute l'expérience depuis votre occupation du plan terrestre. Et ça part de très loin. Et dès que l'on réalise que notre expérience ne date pas, ne part pas du tout début de notre dernière occupation, on a beaucoup à acquérir, à réacquérir. Alors ça vient automatiquement dès qu'on s'y ouvre. Alors l'expansion de la conscience, l'extension de la conscience consiste à réacquérir, à reposséder tout ce que, dont on est encore inconscient. Vous devriez consacrer chaque instant de votre vie à devenir conscient de la puissance de votre âme, mais pour que cette puissance soit réelle pour vous, elle doit puiser à la source de l'expérience, votre propre expérience. Vous ne pouvez pas simplement imaginer que vous la possédez, vous devez savoir que vous la possédez. Vous devez avoir le courage d'appeler l'expérience qui vous permettra d'accéder à la maîtrise que vous recherchez. Et tout ce dont vous avez besoin, c'est de demander et vous le recevrez. La mettre en pratique, cette expérience. Lui donner les tests que ça exige pour en être convaincu. Dans le domaine de la guérison, ça se manifeste. Ainsi, à chaque nouvelle incarnation, vous devenez chaque fois plus fort pour maîtriser votre corps et votre environnement. Avec le temps, la maîtrise sera totale. Votre âme connaîtra la réponse à toutes les questions. Maintenant, cette expérience ne se perd jamais. Elle peut se cristalliser, elle peut être latente, mais dans les moments opportuns, les moments qui sont tourbants, elle rentre comme une forme d'intuition, d'intuition de force. L'âme, c'est en quelque sorte la mémoire des expériences. Exactement. Accumulées. La mémoire est cristallisée et dynamisée, prête à surgir sous forme de dynamisme au moment opportun. L'âme, c'est le principe animique, c'est la force motrice de tout. S'il s'agit de créer un être radicalement nouveau, une nouvelle conscience, à ce moment-là, comment est-ce qu'un être nouveau peut-il se bâtir en référence d'une mémoire du passé? Ben voici, il faudrait qu'il se branche sur l'âme universelle, sur l'inconscient collectif, parce que toute vie vient d'une vie antécédente, aussi bien la vie animique, la vie conscientielle que la vie biologique. Alors, on ne peut pas créer de rien. Hein? Alors, il faut que l'ego... un vierge, pour ainsi dire, se branche sur l'homme universel afin de pouvoir progresser. C'est là que l'épigenèse viendra, mais il faudra qu'elle soit d'abord générée. Il faudra qu'il y ait un geste générateur. Il vient à chaque fois qu'il y a une conception. Parce que deux champs de force qui s'unissent créent un ego. Ne dites jamais que vous n'avez pas la possibilité d'améliorer votre vie pour quelque chose de plus élevé, quelque chose de plus noble. Vous le pouvez. Mais vous devez posséder la confiance dans votre capacité d'y arriver. Pour obtenir cette confiance, vous devez acquérir l'expérience sur laquelle vous appuyez. C'est la raison pour laquelle toute étude ésotérique insiste tant sur l'acquisition de l'expérience. C'est la matière première de laquelle découle la véritable connaissance opérative. Grâce à cette connaissance, dirigée par un mental qui est entraîné à fonctionner selon la loi d'amour, la maîtrise est certaine. Voici. Alors, toutes ces expériences, on peut être sous l'impression qu'on les a reléguées dans un passé nébuleux, mais elles existent à l'état latent, à l'état de léthargie. Et dès qu'on y puise, elles surgissent, sous forme d'intuition, sous forme de nouvelles énergies. Mais elles doivent d'abord être créées et puisées quelque part, puisées dans l'inconscient collectif, qui est l'âme de la race, qui est transmise de génération en génération par les procréateurs, les créateurs qui poursuivent l'œuvre du créateur. Alors, dans le geste de procréation, dans le geste de la conception, ce n'est pas une âme nouvellement créée, c'est une âme nouvellement attachée à un corps, possédant l'âme universelle avec toute son acquisition des représentants de sa race. Cette vague de vie existe en permanence. On peut dire alors que le but de l'existence humaine est d'amener tous les hommes à l'état de maître. Ceci peut être effectué par une série d'étapes, 13 en tout, appelées initiation. Nous verrons une description des initiations du rituel chrétien dans notre prochaine leçon. Oui, la liturgie christique c'est celle qui est la plus efficace dans tout ce qui a été proposé à l'homme pour atteindre l'état de surhomme. Alors, les sacrements, avec toutes leurs ramifications, ce sont véritablement des initiations. D'abord un stage inconscient, mais graduellement, à mesure que la conscience se développe, l'initiation devient plus intelligente. Pouvez-vous me donner un exemple concret? Prenons le baptême, par exemple. Le baptême, je dirais que c'est comme le développement d'une pellicule photographique. L'image a été imprégnée, n'est-ce pas, par le soleil sur la pellicule qui était photographique ou photogénique. Mais seulement, elle ne se révélera pas tant que ce pellicule ou ce papier n'aura pas été subi un baptême. Le baptême sera déco-suffite, hein, n'est-ce pas? Alors là, on appelle ça le révélateur. Alors, le geste initial, pour qu'il y ait manifestation, il faut que l'impression solaire faite par le photographe se révèle. Alors, on met dans le révélateur. Alors, les différentes initiations sont des modes de révélation qui sont de plus en plus probants. Alors, le baptême, la confirmation, qui n'est pas simplement un geste, hein? Il y a infiniment plus que ça. Alors, tout ça sont la fixation d'une photographie, d'une image. Alors, on peut faire une comparaison de ça. Alors, c'est de la lumière qui entre en jeu. Toujours de la lumière. Alors, ces initiations sont effectivement des choses sacrées. On nous demande qu'est-ce que c'est qu'un sacrement. On nous dit que c'est un signe sensible dont le but est de nous conférer la grâce. La grâce, c'est la vertu, la vigueur, la vie. Hein? Alors, en faisant compte des allusions et des illustrations que l'on emploie, on dira c'est des développements graduels de tout notre potentiel à partir de la révélation qui est dans le bain ou de baptême. Un bain, et puis moi. Le bain, c'est un baptême, moi. Alors, c'est ça. Alors, ces gestes-là, ces sacrements-là, ont une fonction physiologique et biologique et ontologique également. Alors, il s'agit de faire développer ce qui est à l'état latent. Alors, ça part bien avant le christianisme, ça. Et ça se fait, le développement de la photographie se fait toujours dans une chambre noire. Ah, forcément. Par analogie, nous, notre inconscience aussi ressemble beaucoup à cette chambre noire. Oui, cette chambre noire. Il s'agit de faire sortir un nouveau monde. Oui, justement. Ouais. La caméra obscura, ouais. Alors, c'est cette mode d'initiation que l'on peut comparer au sacrement ont une raison scientifique pour faire un développement graduel. À partir de la première révélation par le bain d'hyposulfite, hein, etc. Ensuite, la fixation. Et etc. Jusqu'à ce que finalement, on a atteint le dernier geste, qui est l'illumination totale. Mais c'est parti de la lumière qui n'est pas révélée. Et pour la révéler, il faudra la mettre dans le révélateur. Alors un initié, donc celui qui a subi ses initiations, serait en quelque sorte ce qu'on appelle un nyctalope, ou quelqu'un qui voit dans la nuit, qui a cette faculté de voir dans la nuit. Bon, alors, il y a une secte, les Hopis, je pense, en Arizona, qui voit la nuit, qui s'habitue à voir la nuit, n'est-ce pas? Alors, on peut faire assez facilement, dans une couple de semaines, développer cette faculté de voir à noirceur, en s'exposant d'abord au coucher du soleil, puis en lisant quelque chose, jusqu'à ce que, finalement, notre œil, notre iris, s'habitue à moins de lumière qu'il était nécessaire en plein jour. Mais par analogie aussi, on peut transposer ça sur le plan de l'esprit, avoir cet œil de l'esprit qui voit à travers l'opacité des illusions de matière. Comme le dirait, moi, je vois infiniment mieux les yeux fermés parce que j'ai pas de lumière propre sur ma vision pour m'aveugler. J'ai pas de lumière pour m'aveugler. La lumière pour vous aveugler. Ah oui, trop de lumière peut nous aveugler et nous éblouir aussi. Hein. Alors, je vois mieux la nuit parce que la lumière ne m'aveugle pas. Pour l'instant, il est important de se rappeler que l'évolution du corps, l'involution de l'esprit et l'épigenèse de l'âme constituent trois développements en un. Inséparable quant au but et simultané en action. Il possède un but en commun, l'avancement de l'ego vers la soi-conscience qui lui fait réaliser son identité avec Dieu et sa puissance. Cet accomplissement élève l'homme au niveau des anges. Le cheminement de la perfection humaine a été complété. Justement, maintenant on a l'habitude de considérer les anges comme des êtres ailés, des lépidoptères, des hémiptères, etc. Mais ce sont des êtres tellement évolués qui n'ont pas besoin de support matériel pour se manifester. Alors, l'état angélique, c'est un état surajouté à l'état hominal, porté à son maximum de développement. Alors, ça, c'est l'apanage de tout le monde. Tout le monde peut y avoir accès. Pour le comprendre, il faut bien s'en saturer, bien s'en imbuer. Et finalement, on dit qu'il y a quelque chose de tellement précieux dans ça que quelque jour, ça va se révéler avec un éclaboussement de lumière. Et c'est ce qui arrive exactement. Alors, une illumination, c'est... Enfin, je comprends. J'ai plus besoin de mes textes. Alors, moi, j'en ai besoin, quoi. Puisque l'âme se... Surtout les miens. Il y a des ratures. Puisque l'âme se trouve être le pivot du clavier cosmique et l'épigenèse le processus qui développe sa puissance, on peut conclure que l'épigenèse est la réunion de la fusion des vérités divergentes et leur assemblage ordonné en un tout unifié. Dieu a créé un univers à fonctions multiples, mais c'est à l'homme, au moyen de ses efforts personnels, qu'il appartient d'établir les correspondances à l'intérieur de lui-même, obligeant ainsi les atomes de son microcosme à obéir à sa volonté. Justement, et ça consiste précisément à ceci, à unifier les trois aspects de notre nature, que le corps soit aussi spirituel que l'esprit même, et que l'énergie animique... Et voilà. Alors, notre prochain chapitre est intitulé « La structure atomique de l'homme ». Oui. Alors, je vais peut-être aller moins vite que dans le précédent, parce que c'est écrit à la main, là, puis il va falloir que je déchiffre un peu plus lentement. Alors, il est dit « Jusqu'à présent, nous avons établi que l'homme possède un corps. Nous avons dit que ce corps se prolonge dans quatre plans, formant les prolongements locaux de l'essence de vie qui s'exprime à travers eux. Nous avons vu que ce corps évolue et qu'il se perfectionne toujours davantage au fur et à mesure que ses diverses fonctions se trouvent coordonnées. Ainsi, l'homme possède un corps quadruple, quatre corps dans un. Chacun de ces corps ne se différencie que par la densité de la substance atomique qui le compose. Dans cet exposé, ils seront décrits par ordre de subtilité croissante, à savoir le corps physique, le corps vital, le corps astral et le corps mental. Le corps physique est le véhicule le plus lent à transmettre la conscience humaine, le corps mental est le plus rapide. C'est ça, ce sont des degrés de subtilité ou de densité selon la direction que l'on prend. Mais ils sont tous emboîtés l'un dans l'autre. Et ils doivent se fusionner l'un dans l'autre. Comme les poupées russes. Exactement, oui. Le corps physique est le véhicule à travers lequel l'homme s'exprime sur le plan matériel. De tous nos corps, c'est lui qui nous est le plus connu, puisque c'est le corps dans lequel est centrée notre conscience, alors que nous vaquons à nos occupations quotidiennes. Sa structure atomique est constituée de matière qui se différencie en éléments chimiques dont le nombre connu est d'environ 96. Oui, on en ajoute des isotopes aussi. Hein? Ouais. On vous croit sur parole. Oui. Hein? Oui. On vous croit sur parole. Là, ce sont des éléments, des quasi-éléments, des quasars parfois, qui ont les mêmes propriétés que les éléments naturels. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul élément, c'est l'élément racine. Hein? Bon. Alors on en donne 96, on a une nomenclature pour 96 à un moment. Plus les isotopes, c'est une isotope qui se rajoute. D'accord. Ainsi, le corps physique est caractérisé par ses constituants chimiques et il obéit aux lois de la chimie dans tous ses aspects. La nourriture étant le moyen principal par lequel s'opère cette chimie en métabolisme. La fonction du corps physique se différencie en un certain nombre d'opérations qui s'effectuent au moyen d'un rassemblement de cellules groupées en organes, glandes, tissus, muscles et os. Chacun de ces groupements a un certain rôle à jouer et qui est le reflet d'un principe fondamental de vie. Dans son processus, l'existence en tant qu'organisme vivant, le corps physique produit 12 fonctions fondamentales. L'arrêt de l'une de ces fonctions produit la mort du corps. Cependant, étant donné la constitution si merveilleuse du corps humain, ces 12 fonctions sont plus ou moins partagées en commun par les 12 groupes cellulaires principaux. Et bien que le corps puisse survivre à l'ablation de certains organes et glandes, du moins en partie, grâce à ce partage des fonctions, l'ablation de certains autres, par exemple le corps pituitaire, la glande thyroïde et la parathyroïde entraînent presque immédiatement la mort, souvent dans les 48 heures. C'est des sangs vitaux. Où se situe ce corps pituitaire, cette glande thyroïde et parathyroïde? La thyroïde, c'est la gorge, n'est-ce pas, Aïna? Et ici, vous avez le sang classique, qu'on appelle le troisième œil. Ça, c'est le pinéal, proprement dit. Et la pituitaire est au-dessus, dans la fontanelle ici. Hein. D'accord. Ce sont les deux plus importants. Ceux-là contrôlent tous les autres. Et le sang classique, ou le troisième œil, comme on l'appelle depuis un certain temps, à l'image de ceux qui l'ont illustré, alors contrôle tous les autres langues, sont échelonnés tout le long de l'épinorsale. À partir du bas de l'échine, aller jusqu'aux deux vertèbres atlantiques. Oh, c'est vrai qu'on avait terminé, on n'avait pas terminé notre affaire des chakras la dernière fois. On n'avait pas terminé ça, on avait le sac. J'ai tout un secteur sur les chakras. Ok. Oui. On reviendra là-dessus. Oui, bien important. Avec une illustration aussi, une très belle illustration qu'on pourrait illustrer. Les chakras sont des églises, des centres de spiritualité. Saint Jean en parle sous une nomenclature d'église. Hein? Alors, oui. Alors, ces chakras-là sont les. Dans l'arbre séphiratique, on dit sont des séphirates aussi. Alors, ce sont des récepteurs d'énergie qui viennent du cosmos. Le plus important et le plus évident, c'est celui de l'épigaste ici, hein, le plexus solaire, qui est véritablement un chakra. On les reverra en détail. On les reverra en détail, oui, ils sont bien importants. Et on peut observer leur fonctionnement aussi. Dire ça vient du chakra pinéal, ben, etc. L'objet de cette conception n'est pas d'exposer un traité d'anatomie occulte. Il s'agit d'un travail bien trop volumineux pour pouvoir être résumé en quelques petits paragraphes à l'intérieur d'une seule section de ce cours. Néanmoins, l'exercice de méditation proposé à la fin de cette leçon tient compte des considérations qui ont été avancées jusqu'ici et à ce moment, l'étudiant pourra accéder à un univers mental totalement nouveau en rapport à l'immortalisation de son corps physique. Cette phrase-là, l'immortalisation de son corps physique, c'est de la utopie, une chose pratiquement incroyable. Mais c'est le but auquel tout vise, immortaliser, pérenniser le corps, le rendre aussi lucidique, aussi vital que le principe animique. Ça, c'est le but d'atteindre. C'est la promesse du christianisme aussi. Les 12 constituants fondamentaux du corps humain sont 1. Squelette, 2. Peau, 3. Muscles, 4. Sens, 5. Sexe, 6. Foie, 7. Estomac, 8. Poumons, 9. Glandes, 10. Larynx, 11. Cerveau et 12. Cœur. D'un point de vue technique, chacune de ces divisions représente des complexes de cellules reliées les uns aux autres. Par exemple, le foie inclut aussi les reins et la vésicule biliaire, tandis que les glandes incluent la plus grande partie du système endocrinien, telles que la pinéale, la pituitaire, la thyroïde, la parathyroïde, le thymus, la rate et les surrénales. Pour éclairer cet exposé, nous parlerons néanmoins des organes les plus importants ou groupements cellulaires, en tant que représentant de la fonction opérée par le groupe. Chaque constituant du corps est le symbole d'un processus spirituel ou mental. Oui, mais en faisant fusion de tout, ils n'ont pas de ligne de démarcation. Il y a une symbolique entre le physique et le spirituel, définitivement. Est-ce que vous pensez qu'ils l'expliquent dans la leçon par la suite? Ils font le rapport? Ils font le rapport, ok. Oui. On pourrait dire aussi toute fonction physique a une correspondance au niveau mental ou spirituel. Ceci étant, la santé du corps physique ne dépend pas du traitement de la partie malade, mais de la perfection de la fonction qui soutient son bien-être. Et cette fonction, dans tous les cas, a sa source au niveau du corps mental de la pensée. Oui, d'abord, tel que l'on pense, tel devient-on, n'est-ce pas? Alors, traiter simplement un malaise quelconque en appliquant notre énergie localement, ce n'est plus ni moins changer le mal de place. Hein? Alors que si vous traitez de tout, l'harmonie est distribuée à travers tout le système. Envisageons l'estomac. Cet organe, y compris l'œsophage, remplit la fonction d'assimilation. Ordinairement, quand nous pensons assimilation, nous ne pensons qu'en termes de digestion de nourriture. Mais l'assimilation implique aussi la digestion de la vérité. Ce n'est que dans la mesure où nous sommes capables de transformer la vérité en expérience personnelle, à l'intérieur du champ de l'âme, situé au niveau du corps mental, que nous pouvons transformer la nourriture en tissu à l'intérieur de la structure chimique du corps physique. On parle de digestion. On parle autrefois, par la suite, nous pensons de l'ingestion, qui précède la digestion, forcément. Hein? Alors, l'ingestion, c'est un processus d'assimilation fait par le corps. La nourriture qui est uniforme, ou bien qui peut provenir des trois reins. Alors, l'ingestion a un grand rôle à jouer, aussi bien que celui de la digestion et de l'assimilation en général. Bien qu'au premier abord, cette correspondance puisse vous paraître absurde, les réelles implications de cette association entre mental et matière deviendront plus claires avec le temps. Maintenant, il est important de se rappeler que chaque organe exprime un principe de vie qui, pour être soumis au contrôle conscient de l'ego, doit d'abord être reconnu. Une telle reconnaissance doit s'effectuer au moyen du corps mental, à travers ses organes constituants, même si ceux-ci ne se trouvent encore qu'à l'état embryonnaire. Cependant, après avoir ces principes et compris que les organes du corps physique et les amas de cellules ne sont que les prolongements matériels de ces concepts mentaux, l'étape suivante consiste à développer une compréhension supérieure des 10 principes afin de perfectionner les fonctions physiques des organes eux-mêmes. Une fois que les fonctions physiques des organes sont le reflet adéquat des principes de vie qu'ils expriment, semblablement, les organes eux-mêmes connaîtront une santé parfaite. Avec des organes parfaits, vous aurez un corps parfait et grâce à ce corps parfait, c'est exprimant la vérité dans l'action, vous deviendrez membre de la fraternité des immortels, un exemplaire de la vie qui ne finit pas. Est-ce qu'on n'en a pas là d'exemplaires de la vie qui ne finit pas avec et son nom est Légion, quoi qu'il ne s'exhibe pas sur la place publique. Et à l'avenir, il y en aura de plus en plus. C'est la promesse qui est faite à l'humanité, toute l'humanité, partout les avatars, y compris notre Nazaréen. L'immortalité physique. Ce sont en quelque sorte des prototypes de ce que nous oui, serons dans le temps. Oui, oui. Oh, de plus en plus, oui. Mais avant que vous ne puissiez expérimenter l'immortalité physique, vous devez enclencher le processus de perfectionnement. Ce n'est pas un travail d'enfant et cela pourrait prendre plus de temps que vous ne voudrez bien consacrer à un tel objectif, de loin le plus grandiose dans la gamme des aspirations humaines. Pourtant, vous n'aurez guère le choix, étant donné que manquer cet objectif oblige à la réincarnation. Et le processus des naissances et des renaissances se poursuit jusqu'à ce que les avenues de la mort aient été fermées une par une. Ne faites pas... Comme disait ce fameux poète, pas tanné de mourir, bande de caves. Vivez donc pleinement, sur tous les plans. Et ce sera la promesse qui a été faite à toute l'humanité. Donc, jusqu'à ce que les avenues de la mort aient été fermées une par une. Ne faites pas d'erreur à ce sujet, vous pouvez les fermer, et cette leçon vous fournira les clés essentielles pour une vie plus saine et plus longue, même si la réalisation suprême est encore un peu devant vous. Tout individu a certains problèmes de santé, en dépit des apparences du moment. Même une santé de quelque temps débouche souvent vers quelque forme de maladie. Et il n'y a pas d'étudiant qui puisse véritablement affirmer qu'il est capable d'appliquer les principes de base avec un tel succès qu'il n'aura plus aucun problème de santé. Aucun docteur ou organisation humaine n'a le pouvoir de guérir votre mal. Il peut vous aider à vous guérir ou il peut faire que la nature vous aidera à vous guérir, mais jamais il ne pourra effectuer une guérison sans que d'abord ait eu lieu un changement dans la structure de l'âme de votre propre mental. Votre docteur peut contrôler les symptômes, supprimer les apparences d'un désajustement organique, mais il ne peut pas supprimer la cause, car cette cause réside dans votre conscience. Vous seul pouvez extraire la cause, et vous seul pouvez vous guérir. Oui, le corps est son propre médecin, son propre novateur. Alors, en lui faisant confiance totale, en lui remettant l'organisme en main, il s'occupe de l'harmoniser avec tout l'environnement, en respectant naturellement les lois de la vie saine. Bien sûr, il faut comprendre que vous avez tous les droits en ce qui concerne l'attention que vous donnez à votre corps, que ce soit pour qu'il vive ou qu'il meure. Il existe un nombre impressionnant de méthodes de guérison et de thérapeutiques, parmi lesquelles choisir pour réparer une faiblesse du corps. Cependant, aucune de ces méthodes n'aura d'efficacité permanente, à moins que la guérison n'ait été produite de l'intérieur. Dans cet exposé, nous mentionnons tous les maux du corps physique qui n'ont pas été produits par un acte de violence. Nous faisons référence aux maladies qui ont pris naissance à l'intérieur de l'individu et non pas celles provenant d'une agression extérieure, délibérée ou accidentelle. Dans ce dernier cas, la chirurgie s'impose, car la chirurgie est une méthode médicale externe et pourra servir à des affections externes. Mais la maladie qui affecte un organe ou le dérèglement de quelques cellules, indépendamment de son emplacement dans le corps, résulte d'une défectuosité de la fonction. C'est la fonction qu'il faut traiter et non la partie. Bien que la thérapeutique aide, elle ne guérit pas. Un traitement signifie bien cela, une méthode de préservation. Il n'existe aucun organisme physique connu de la science qui ait la possibilité de préserver indéfiniment le corps. Le corps dense, mort ou vif. Par conséquent, toutes les méthodes naturelles de guérison ne doivent être considérées que comme des auxiliaires à la méthode fondamentale dont la conception est spirituelle et qui opère par le mental. Ne compter que sur les méthodes naturelles n'est pas suffisant pour accomplir la guérison, c'est-à-dire pour éliminer toute possibilité d'une éventuelle rechute. Pour qu'une guérison puisse être appelée guérison, il faut que le patient soit totalement hors de l'influence de la maladie. Et normalement, cela veut dire que le patient doit totalement dominer la peur qu'elle implique. C'est tout ça qui augmente la susceptibilité à la maladie. La peur, c'est la foi en renverse, n'est-ce pas? Un organe de destruction. Voici quelques-unes des méthodes de guérison les plus connues. L'exercice actif, l'air frais, le grand soleil et la nourriture pure. Ces méthodes sont souvent renforcées par la chiropractique, la couleur, la musique, la thérapie. Ça se peut-tu? La thérapie du côlon? Oui, c'est. Oui. Oui. Du côlon, mais sûrement. Surveiller, est-ce qu'il n'y a pas d'auto-intoxication? Ah, ok. Et la radionique. Bien que toutes ces méthodes puissent être controversées jusqu'à un certain point, il y en a qu'il faut éviter à tout prix. D'une part, la chirurgie qui violente le corps. D'autre part, l'hypnose qui traumatise le mental. Un petit mot là-dessus? Oui. Moi aussi, c'est violenter la volonté de l'individu, n'est-ce pas? Puis imposer quelque chose qu'il ne pourra pas maintenir sans la présence de celui qui aura violé son intimité. L'hypnotisé est victime de l'hypnotiseur. Les hypnotiseurs vont vous dire que la personne qui est sujette à l'hypnose garde une certaine forme de conscience, elle perd pas jusqu'à conscience. Jusqu'à un certain point, mais elle devient comme parasitaire. Okay. En tant qu'organisme chimique, le corps physique s'entretient surtout par la nourriture. Cette nourriture fournit certains éléments organiques qui sont nécessaires à la santé du corps dans cette étape de son évolution. Ainsi, la nourriture influence beaucoup le corps physique, mais n'a aucune action sur le corps mental auquel est relié le corps physique par prolongement atomique. C'est pourquoi on peut dire que la nourriture, ou plus exactement le régime alimentaire, n'influence aucunement l'état mental ou spirituel de l'individu. Ça veut donc dire que les gens qui font du végétarisme pourraient être plus spirituels, ou il n'y a pas de lien avec la spiritualité ou avec le mental. Non, pas du tout. Même ça peut être nocif dans certains cas, parce qu'il manque des éléments qui ne sont pas considérés nocifs, que l'on croit être délétères à la santé. Pas d'extrême dans aucun domaine. Hein? Mais la mentalité et la spiritualité de l'individu influencent fortement la capacité qu'a le corps physique de bien assimiler cette nourriture et d'en retirer le plus grand profit. Le supérieur contrôle toujours l'inférieur, le plus grand a domination sur le plus petit. Parmi les éléments organiques nécessaires au processus métabolique, voici les plus importants et leurs valeurs respectives. A. Cuivre et fer pour un sang pur. Mélange de jus d'épinards, de laitue, de persil et de tomates. B. Sodium pour l'arthrite. Mélange de jus de concombre et d'ananas non sucré. C. Phosphore pour les problèmes de reins, l'anémie et le rachitisme. Mélange de jus de tomate et de céleri. Ça, c'est une épreuve dans les détails par plusieurs diététiciens. D. Soufre pour les problèmes de foie et des nerfs. Mélange de jus d'oignon séché, de radis et d'ananas. Également du jus de prune frais. Potassium pour la vésicule biliaire et les problèmes glandulaires. Mélange de jus de rhubarbe, d'asperges et de pamplemousse. Également mélange de cresson de fontaine et de jus d'ananas. F. Hydrogène pour la vitalité. Un mélange de jus de citron, de pamplemousse et de limette. Pour les rhumatismes, la pyorée et l'acidité buccale du jus de betterave. Magnésium, H, magnésium et sodium pour tous les problèmes d'yeux, d'oreilles, de nez et de gorge. Mélange de jus de tomate, de persil et de citron avec une gousse d'ail. Les recherches en sciences de la chimie de la nutrition ont révélé plusieurs faits surprenants durant les dernières années et on en découvre constamment de nouveaux. C'est pour cela que nous vous référons à un bon spécialiste en nutrition en qui vous avez confiance. La valeur des jus de légumes et de fruits réside dans leur forte concentration car le légume et les fruits seuls contiennent trop de pulpe pour qu'on puisse en prendre une quantité suffisante afin de coordonner une déficience chimique quelconque. Ces jus doivent être consommés frais et pour les ingérer dans cet état, vous devriez utiliser un appareil appelé extracteur. Il en existe deux types sur le marché, l'un pour les fruits, l'autre pour les légumes. La liste ci-dessus est donnée à titre indicatif et ne doit pas être considérée comme un guide complet qui permettra d'obtenir un parfait équilibre de la chimie du corps. On doit aussi se rappeler que ces compléments peuvent aider, mais ne sont pas des remèdes. Ils sont meilleurs que les vitamines en pilules et les substituts en poudre, mais ils ne pourront jamais faire ce qui doit être fait, à savoir l'orientation de la pensée vers la vérité. Pendant que vous absorbez de la nourriture dans votre organisme, vous assimilez également de la pensée dans votre mental. Et votre métabolisme mental règle le schéma de votre métabolisme physique, que vous en soyez conscient ou non. As-tu de l'énergie naturelle dans toute nutrition? Il est dit ici, l'orientation de la pensée vers la vérité donc est reliée. C'est ça. Ils sont meilleurs que les vitamines en pilule et les substituts en poudre, mais ils ne pourront jamais faire ce qui doit être fait, à savoir l'orientation de la pensée vers la vérité. Bon, justement, c'est-à-dire reconnaître leur valeur naturelle, au lieu de dire se baser sur des produits artificiels, qu'on appelle la chimiatrie. D'accord. Toute fonction physique possède sa correspondance dans une opération mentale donnée, et la qualité de l'un est le reflet de la qualité de l'autre. De même que, au moyen des poumons, le corps inspire, de même le mental lui aspire. Le corps élimine ses déchets grâce au foie, aux reins, aux intestins et autres organes d'excrétion. Pareillement, le mental renonce aux erreurs qui se sont introduites dans la pensée. Le corps, grâce au larynx, peut articuler et énoncer des mots. De même, le mental annonce ou déclare la vérité qui le rend divin. Dans ces correspondances, c'est la pensée qui est le maître. La nourriture nourrit matériellement la structure cellulaire, mais c'est la pensée qui en fait le plan. La quantité de nourriture se calcule souvent en calories, unité qui définit la teneur en énergie. Un régime ne contenant que 700 calories par jour permet à un homme de vivre pourvu qu'il ne quitte jamais le lit. C'est peu. Oui. 1000 calories lui permettent de faire le tour de la pièce. 2000 calories lui permettent d'effectuer un petit travail. Avec 3000 calories, il peut travailler normalement. Pour accomplir un très gros travail, il faut 4000 calories. Ainsi, la chaleur est un élément essentiel de la nourriture, tout comme la substance vitale. En plus des éléments organiques et des calories nécessaires à la santé du corps physique, il existe aussi plusieurs types de nourriture, généralement classées en trois groupes. Les protéines, les hydrates de carbone et les graisses. La protéine est le matériau qui construit la cellule et forme l'élément chimique de base pour toute cellule vivante. Sans elle, la vie ne pourrait s'exprimer. Environ 18% du corps est constitué de substances protéiniques, surtout concentrées dans les organes et les tissus. Non seulement la protéine est-elle nécessaire à la construction des tissus corporels, mais elle est aussi indispensable pour renouveler et réparer les tissus déjà formés. Parmi les aliments qui jouent ce rôle, il y a la viande, les œufs, le fromage, les légumes et les noix. Ah, sur le dernier item, pour préciser un peu la spécialité de la chimiste, hein, du beurre d'arachide. C'est vrai que vous êtes friand de beurre d'arachide. Je n'ai jamais mangé de viande, mais du beurre de pinot, comme on dit vulgairement, j'en bois pas. En dépit du besoin en protéines, la plupart de ces aliments sont insuffisants ou posent des problèmes. Plusieurs personnes ne peuvent manger de viande à cause de sa toxicité ou n'aiment pas la viande pour des raisons d'éthique. Dans ce cas, ces personnes peuvent refuser de manger tous les produits animaux, ne pouvant choisir que parmi les légumes, certaines céréales et les noix. Les légumes contiennent peu de protéines et peu de substances qui contribuent à la construction du corps. Les céréales sont un peu mieux et les noix sont très indigestes, à moins de les broyer finement dans du beurre et de les manger très lentement en même temps que d'autres aliments. Les hydrates de carbone constituent les formes de combustible les plus facilement disponibles pour le corps. Les formes digestibles sont les sucres et les féculents. Les graisses contiennent en poids le double de calories des hydrates de carbone et des protéines. On les trouve dans la plupart des aliments et font rarement défaut dans une alimentation ordinaire. Alors, si on substitue ces noix, ces graminées, à la viande, on constate dans très peu de temps qu'on n'a plus besoin de viande du tout, on perd même le goût pour toute viande. Dans les bénéfices grandement. Ça prend à peine une couple de semaines avant c'est habitué. Cependant, les aliments contiennent plus que des calories, des minéraux, des protéines, des hydrates de carbone et de l'eau. Ils contiennent également des vitamines, de la thiamine, de la riboflavine, de la niacine et de l'acide ascorbique, c'est ça? Oui, entre autres. Dans l'air aussi. Ce sont les enzymes, les hormones et les acides aminés qui jouent un rôle important dans la compréhension de la valeur de la protéine dans l'alimentation. Il est facile de se procurer les tableaux d'aliments qui donnent les teneurs en vitamines ainsi que la liste des maladies de carences qui leur correspondent. Chaque personne a ses besoins personnels en nourriture. Ils ne peuvent être vérifiés que par l'expérimentation, ou en suivant un régime spécial, les résultats obtenus confirmant la valeur du régime. Après tout, vous voulez des résultats. Si vous vous développez par une nourriture qui est un autre poison pour l'homme, ne vaut-il pas mieux évoluer que de se laisser mourir par inanition ? Mangez ce qui pour vous est le mieux. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui salit l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche qui le salit. Ça c'est dans Matthieu. Beaucoup de ceux qui étudient cette conception sont végétariens par nature. Ceci est bon. C'est une indication que le corps s'est déjà ajusté au régime de vie qui prévaudra dans le nouveau cycle qui commence. Si vous mangez de la viande, consommez-en modérément, comme vous mangeriez n'importe quel autre aliment. Si vous interrompez l'usage de la viande après y avoir été habitué, soyez certain de remplacer le contenu en protéines par des équivalents faciles à digérer. Il existe plusieurs aliments considérés comme universels pour tous. entre autres le raisin, qui est le plus remarquable. Sous forme de jus de raisin pur, non sucré, non fermenté, c'est un aliment de haute valeur. Il est particulièrement recommandé pour... pour contrer la formation de chaux dans tout le corps. Oui, calcium. Okay. Oui. Nous conseillons la consommation périodique de raisins lors de courts jeûnes, combinés à du jus d'orange et du jus de citron comme... Si vous prenez ce mélange, nous vous suggérons de mélanger un demi-litre de jus de raisin avec le jus de 6 oranges et de 3 citrons, en ajoutant de l'eau pour obtenir un litre de liquide. Ce mélange doit être consommé dans les 24 heures où il deviendra aigre. Aussi, ne préparez que ce que vous pourriez boire dans la journée. Pour des maladies graves comme la tuberculose ou le cancer, le jus de carotte sera très efficace. Quand aucune solution ne semble aboutir, essayez le jus de carotte. Il est riche en carotène et en vitamine A. Le jus de carotte est le plus sucré de tous les jus de légumes. Et consommé quotidiennement, il apportera des résultats remarquables. Cependant, des méthodes uniquement physiques ne résoudront pas les problèmes de santé ayant leur racine dans la conscience de l'individu. Ils peuvent aider et non guérir. Ils modifient les symptômes, ils ne modifient pas les causes. Pour agir sur les causes, l'individu doit se tourner vers les niveaux élevés de l'être, les niveaux sur lesquels fonctionnent ses corps plus subtils. Ce véhicule qui possède 4 degrés de fonctionnement et qui occupe le plan, situé juste au-delà du monde chimique, c'est le corps vital. Oui, le corps éthérique, proprement dit, le corps solaire. Est-ce que c'est celui qu'on voit sur l'appareil Kirlian? Exactement, corps vital, oui. Bon, petite flamèche là, qui sort de... Exactement, oui. Là, par la photographie du docteur Kirlian, exactement. Ça, c'est l'énergie solaire dans toute son intensité. Le corps vital est ce véhicule dans lequel l'homme s'exprime sur le plan éthérique. Ce corps est un champ de force magnétique qui s'étend au-delà du corps dense d'environ 4 cm, la distance dépendant de l'état de santé de la personne. Si vous placiez une personne dans une pièce parfaitement noire et devant une surface noire, en 15 ou peut-être 30 minutes, selon votre vision, vous pourriez observer une émanation électrique bleuâtre entourant le corps physique de cette personne. Cette émanation électrique bleuâtre s'appelle corps éthérique ou corps vital. Il est constitué de substances du plan éthérique, bien qu'on le voit comme énergie à partir du monde chimique. Ainsi que nous l'avons déjà vu dans ce cours, le royaume éthérique fournit une structure sur laquelle tout organisme vivant s'intègre sur le plan physique. Donc le corps vital, qui est le véhicule d'expression de la vie égoïque dans le monde éthérique, fournit le schéma ou le réseau de base de l'organisation des atomes chimiques qui constituent le corps physique. Pour cette raison, le corps physique possède son double éthérique pour les 12 groupes cellulaires dont nous avons parlé, et ce, atome pour atome. Chaque atome est constitué d'énergie solaire, logiquement. Donc on a tous un double énergétique. Oh, définitivement, c'est ce qui est important, oui. C'est l'essence solaire dont nous sommes les détenteurs par le biais du plexus solaire qui convertit le soleil, l'énergie, l'émanation solaire, en énergie cellulaire. C'est intéressant. Tout corps physique a son corps, non, tout cœur physique a son cœur éthérique. Tout cerveau physique a un prolongement éthérique. Les organes également. Tout foie physique a sa correspondance éthérique, la main, le pied a sa structure éthérique. C'est pour ça que lorsqu'une personne est amputée, par exemple, d'un bras ou d'une main, elle peut avoir des douleurs, même si le membre n'existe pas. La main a son double. C'est donc, autrement dit, qu'il y a une mémoire qui persiste là de l'organe. Parce que l'organe intérieur existe encore, malgré que l'extérieur est parti. On a constaté ça à chaque cas. Il existe une différence entre le corps physique et le corps éthérique. Ils sont de polarité inverse. Chez l'homme, le corps physique est positif et le corps vital négatif. Chez la femme, le corps physique est négatif et le corps vital positif. Il y a de nombreuses conséquences résultant de cette polarité des sexes. Et l'étudiant aura d'autres éclaircissements à la lumière du mariage parfait dans la leçon 5. La constitution du corps vital peut avantageusement être comparée à un puzzle dont les morceaux forment les pièces individuelles ayant plusieurs coins. Les différentes pointes du corps vital s'interpénétrant et se trouvant ainsi à pénétrer chaque atome physique afin de leur imprimer un mouvement rapide. Oui, quand la fusion des deux êtres magnétiques, le mode vibratoire est accéléré. Le but du corps vital est de vitaliser le corps physique, c'est-à-dire d'éviter que ce dernier ne devienne qu'un simple amas de cellules inertes. C'est ce qui se produit avec la mort. Le corps vital perd son pouvoir de magnétisation et n'est plus capable de vitaliser la structure cellulaire dense. Il laisse mourir le corps physique. Justement, il manque l'élément solaire, qui est l'énergie motrice. Il est intéressant de noter que le principe de vie ne se trouve pas dans la nourriture comme telle. Si c'était le cas, la nourriture suffirait à elle seule à fournir l'énergie nécessaire pour entretenir un mouvement atomique adéquat dans la structure cellulaire. Il y a d'abord l'énergie vitale qui l'interpénètre, qui communique son mouvement et le fusionne avec le mouvement intérieur de chaque cellule. Mais m'excuserez, il faut que j'aille tousser et boire un plus grand verre, plus frais que celui-ci. M'excuserez un moment. Il y a ça dans la gorge. Ben, voyez-vous, mes chers amis, cet enseignement-là prend en considération tous les facteurs qui peuvent améliorer votre situation et vous rendre plus libre, plus apte à fonctionner harmonieusement sur tous les niveaux. Alors, comme on disait, le corps est la base de toute notre structure et l'âme agira avec beaucoup de vigueur dans un corps où il y a la possibilité de circuler librement. Et l'esprit dominera le tout. Alors, corps, âme et esprit sont des aspects de notre nature. Et si on néglige l'un, c'est au détriment des deux autres, ou à la paralysie des deux autres. Alors, ces notions-là sont peut-être ennuyeuses, mais chacun, tôt ou tard, doit faire un inventaire de ce qui est bienfaisant et ce qui est malfaisant, ce qui est salutaire pour son comportement ou autrement. Alors, ça s'ajoute sur le plan purement physique, que le corps doit avoir ses exigences et il insiste à puiser dans la nature ce qui lui convient, parce que lui-même vient de la nature. Bon, je viens de mettre mon chat à mort. Oui, oui. Ça va bien. Alors, où est-ce qu'on en était, donc? Il est intéressant de noter que le principe de vie ne se trouve pas dans la nourriture comme telle. Si c'était le cas, la nourriture suffirait à elle seule à fournir l'énergie nécessaire pour entretenir un mouvement atomique adéquat dans la structure cellulaire. Mais un instant de réflexion fera comprendre que toute l'énergie disponible pour les besoins de l'homme provient à l'origine du soleil, que ce soit sous forme électrique, thermique, mécanique, chimique, vibratoire ou atomique. Justement, alors ce que l'on développe, c'est le corps solaire, hein? Le corps de lumière à l'intérieur de nous. Alors tout ce qui procède de l'énergie solaire peut être assimilé avantageusement dans tous les actes de notre vie, surtout dans l'ingestion et la digestion et l'assimilation de l'eau. Maintenant, il y a aussi les impressions que l'on ne considère pas, mais c'est de la nourriture aussi. Au moyen de la transmutation... Oh, ça y est, ça recommence. Ah oui, tiens, c'est pas un choc, c'est une portée de choc, ça va là. Au moyen de la transmutation, le règne végétal a la possibilité de transformer la pure énergie solaire en éléments nutritifs appelés calories. Mais le corps physique n'absorbe qu'indirectement ces unités caloriques. Ça continue, hein, pas possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir lire un peu là? Bonne prêtrine, Père Dieu. Père de bon Dieu. Bon, on va essayer. Moi, j'ai écrit, c'est-à-dire je fais ma pompe quotidienne, mais je la dicte sur une petite cassette. Hein. Et C'est pas toujours les mêmes personnes qui l'écrivent. Non, ça va, ça, c'est oui. Bien. Alors, de même que le soleil n'émet qu'indirectement de la chaleur, le soleil produit une vibration qui est ressentie sous forme de chaleur lorsque l'atmosphère terrestre et le sol lui font obstacle. Il n'irradie pas de chaleur comme telle. Il en est de même avec le corps physique. Nous ressentons la chaleur produite par la vibration solaire au fur et à mesure où nous absorbons notre nourriture. Mais la chaleur ne nous donne pas la vie. Je suis en train de perdre la voix, là. Oh, ouais, oui, ça va mal. Alors. Est-ce que vous voulez continuer un petit peu? Je vais continuer, oui. Eh bien, ça va. 5 minutes. Et voici, lorsqu'on est en bonne santé, le corps vital est magnétisé par un fluide incolore qui pénètre dans le corps physique au moyen de... de la rate. Non. Ce fluide est au système nerveux ce que l'électricité est pour le réseau de télégraphie. Peu importe le bon état du système, sans le potentiel essentiel qui transmettra le message, celui-ci ne peut être envoyé. Pareillement, même si les muscles, les nerfs et le cerveau physique sont en parfaite condition, en parfait état, sans le principe vital ayant sa source dans l'énergie solaire, il n'y aura aucun mouvement. Alors, toute énergie vient du soleil. Mais le soleil, ce n'est pas rien que la chaleur, comme on vient de préciser, c'est aussi de l'énergie et de l'intelligence. Et par le biais de ce plexus solaire, qui est le convertisseur d'énergie du soleil en énergie humaine, ça donne aussi l'énergie cérébrale, aussi bien que l'énergie, surtout les chakras de notre système. Alors, ce n'est pas sans raison qu'on a appelé le soleil le fils de Dieu. Hein? On disait le fils du Très-Haut. On le représente sur l'autel comme le radiateur de toute forme de vie. Hein? L'élément christique ou kyriolique, comme on disait autrefois. Alors, le soleil est vraiment notre source de vie sur tous les plans, physique, matériel, intellectuel, affectif et spirituel également. Bon, on va voir ce que ça donne maintenant. Dans le cas de la paralysie, c'est exactement ce qui se produit. Les instruments sont là, mais le pouvoir de fonctionnement est absent. En d'autres termes, le corps vital est malade. La question qui se pose maintenant est de savoir comment il est possible de maintenir le corps vital en parfaite santé, permettant ainsi au corps physique de prolonger ses activités sur une longue période de temps. Vous avez certainement remarqué l'effet stimulant du soleil, surtout après être resté enfermé durant l'hiver. Vous avez aussi sans doute remarqué que votre santé est plus fragile à cette période, mais que cette situation s'améliore rapidement dès que vous vous exposez aux rayons du soleil printanier ou estival. Voici ce qui se produit effectivement. Le soleil irradie de l'énergie perçue par le corps vital. Cette énergie magnétise la structure éthérique et fait que le corps vital brille d'une douce lumière rosâtre. C'est pour cela que qu'une personne en excellente santé dit qu'elle voit la vie en rose. Ainsi, quand votre santé est bonne, ces lignes de force qui forment votre corps vital sont longues et dures, donnant à votre peau une apparence rosée. Si votre santé est médiocre, ces lignes de force sont courtes et recroquevillées, vous donnant un teint blême et pâle. On pourrait penser que l'homme puisse devenir immortel en s'exposant simplement au soleil, étant admis que le soleil est la source de toute vie sur Terre. Cependant, ce n'est pas le soleil visible qui accomplit ce miracle de transformation, mais les rayons invisibles contenus dans l'éther solaire. Cet éther solaire est l'essence vitale du soleil, et on l'appelle souvent lumière solaire invisible, car elle appartient à un règne de la nature situé au-dessus et au-delà du monde physique. Il y a l'élément spirituel du soleil. Oui. Alors c'est là que l'on a notre culte d'adoration solaire, hein, tel que représenté dans l'ostensoir sur l'autel. Et véritablement le soleil, avec l'élément christique au centre. Hein? Alors, ce que l'on adore, ce en quoi on dirige notre vénération, c'est toute l'énergie solaire dans tous ses aspects. Ça, c'est l'heure d'adoration qui est le noyau de tout le culte chrétien, l'adoration de l'être solaire, de l'énergie solaire, de la spiritualité solaire. L'éther solaire est quadruple. Premièrement chimique, deuxièmement vital, troisièmement lumière, quatrièmement réflecteur. Chaque composant que cet éther quadruple possède, une répétition, possède une fonction précise, et à moins que toutes les fonctions ne soient utilisées sous l'influence vivifiante de l'aspiration divine, le corps physique s'effondre et la mort s'ensuit sur les plans éthériques et physiques. On peut dire que l'éther chimique est un courant éthérique positif et négatif ayant certaines propriétés magnétiques et en deux fonctions. D'abord, le courant positif attire et construit les atomes physiques du corps dense. Ensuite, le courant négatif les désintègre et les expulse après être devenus inutiles. L'éther chimique est comme de l'électricité vitale qui transforme le corps vital en une sorte d'électroaimant qui permet aux nouveaux atomes de passer par le pôle positif et pénétrer dans la structure physique, puis oblige les vieux atomes qui ne servent plus à s'échapper par le pôle négatif. C'est l'éther chimique, par ses fonctions de construction et de destruction des constituants moléculaires du corps physique, qui permet à ce corps physique de se rénover constamment. Certaines cellules sont remplacées en quelques heures, d'autres en quelques semaines ou quelques mois. Finalement, les cellules se reproduisent à une vitesse de 8 minutes à l'âge de l'adolescence, disons. Et ça diminue graduellement à mesure que la sénescence s'empare de nous. Mais en quelques heures, l'économie cellulaire se reproduit dans la chair, du moins. Quant aux os, ça prend plus de temps, ça peut prendre jusqu'à 5 ou 6 mois. Mais au maximum de ce mois, le corps tout entier est rénové. Il n'y a plus rien de votre corps il y a 7 mois après une période de gestation complète. L'éther vital est un courant éthérique bipolaire, semblable à l'éther chimique, mais dont la fonction est reliée à la propagation des espèces. La différenciation des sexes est gouvernée par la polarité de ce courant. Les hormones sexuelles sont des cristallisations dans cet éther, comme le sont aussi d'autres fluides, tels le sang. Pour ce dernier, ce n'est pas par hasard ou par ignorance que les principaux canaux de circulation sanguine ont été appelés artères. Ce mot signifie « porteur d'air ». Bien qu'au niveau physique, le sang soit un liquide, à l'état éthérique, c'est un gaz. La vision éthérique permet de voir ce gaz ou éther de teinte rosée voyager dans les artères et les veines. Cependant, la couleur peut varier d'orangé à un rose foncé, selon le degré d'évolution de l'individu. Ces deux éthers inférieurs associés au corps vital sont les plus faciles à reconnaître. L'éther chimique dégage une émanation bleuâtre, l'éther vital a une douce teinte rose ou fleur de pêcher. Cependant, pour le clairvoyant peu entraîné, il donne au corps vital l'apparence d'un brouillard brillant et argenté qui ondule. Pour l'étudiant, l'observation de cette enveloppe ou double éthérique, comme on l'appelle souvent, constitue souvent son premier contact avec les mondes hyperphysiques. C'est là que la clairvoyance spontanée entre en jeu, quand vous pouvez voir exactement ce qui se passe dans votre organisme. Vous concentrez sur une partie de votre organisme et vous voyez, par exemple, si c'était projeté sur un écran devant vous, alors vous avez une pénétration intérieure de ce qui se passe dans votre monde, dans votre mécanisme, dans votre organisme en entier comme ça. Et ça, vous pouvez trouver en détail tout le comportement qui se poursuit dans votre système. Par exemple, la conversion de ces gaz en sang, des gaz en liquide. Ce sont des gaz, des nuages colorés qui circulent à travers les artères, justement. Le troisième constituant qui fonctionne à travers le corps vital est l'éther-lumière. Bien que sa couleur ne soit pas facile à discerner à cause de son taux élevé de vibration, il possède un éclat doré, même s'il contient toutes les couleurs fondamentales du spectre solaire. Cet éther a deux fonctions principales. Il fournit la chaleur au sang par son pôle positif et la sensation nerveuse par son pôle négatif. Par son action sur les cinq sens physiques, l'éther-lumière sert à en accroître la portée jusqu'à ce que, sous l'influence d'une haute aspiration spirituelle, ses sens acquièrent la clairvoyance, la clairaudience et la clairsensation. Clairvoyance et clairaudience, c'est ce qui se développe un peu rapidement selon les propensités que vous avez. Vous pourrez entendre plus facilement que vous voyez dans l'éther. Ça dépend de l'entraînement que vous avez. Si vous êtes artiste par nature, vous verrez plus facilement qu'un autre qui sera musicien, alors qu'il aura très haut son. Alors, ces deux facultés-là, l'audition et la vision, se développent dès le début. Vient ensuite de ça la sensibilité tactile. C'est seulement lorsque cet éther est développé et renforcé que l'étudiant consciencieux peut pénétrer les règnes ordinairement invisibles de l'activité humaine. La quatrième et la plus rarifiée des forces vitales est l'éther réflecteur. Son pôle positif agit sur le cerveau, le système nerveux volontaire, pour développer la faculté de raison et stimuler la poussée créatrice au niveau de l'intellect. Sa polarité négative agit sur le cœur et le système nerveux involontaire pour développer la faculté d'intuition et stimuler la fonction mémoire. L'initiation influence beaucoup le fonctionnement de cet éther dans l'organisme humain, et lorsque cette élévation a été accomplie, les réflexions perçues par l'ego ne sont plus ces mirages qui constituent les soi-disant réalités du monde physique, mais les véritables archétypes qui sont la structure sous-jacente à toute existence. Vous voyez l'intérieur, l'aspect intérieur des choses, d'abord, avant de constater la forme extérieure même. La forme extérieure se révèle par le sud, pour confirmer ce que vous avez présenté d'abord. Lorsque l'éther réflecteur ne réfléchit que ce qui est vrai et réel et qui a sa source dans les mondes des causes spirituelles supérieures, le néophyte est devenu un initié ayant la vision de celui qui voit. Jusqu'à présent, nous avons vu que la santé du corps vital ou éthérique, duquel dépend l'existence du corps physique, s'améliore non pas par le soleil mais grâce à l'énergie solaire. Cette énergie solaire est un éther quadruple qui pénètre dans le corps physique par la rate éthérique. On reconnaît cependant que le rayonnement solaire est une réflexion indirecte de cette énergie solaire et qu'il est actuellement indispensable à la santé du corps physique. Mais en ce qui concerne le corps vital, il y a un autre élément très important dont il faut tenir compte, c'est le sommeil. C'est durant le sommeil que le corps vital a la possibilité de se recharger et de fournir de l'énergie nouvelle au corps physique. C'est là que le plexus solaire se recharge et augmente son potentiel de réparation, d'entretien du corps. Cependant, ce travail de réparation n'est efficace que si l'ego peut se libérer du corps physique et s'isoler totalement de son environnement physique. Lorsque cela se produit pour une personne ordinaire, il en résulte ordinairement un profond sommeil sans rêve. Pour ces personnes, néanmoins, il est rare qu'elles expérimentent un sommeil si profond, parce que les distractions physiques, émotives et mentales empêchent le clivage nécessaire à la restauration parfaite des véhicules physiques et vitaux. C'est dans les cas où il y a une stérilisation durant le sommeil. Il y en a qui se stérilisent dès qu'ils ferment l'œil. Hein? Alors la réparation se fait automatiquement, parce qu'il y a une séparation du corps vital et du corps somatique, proprement dit. Alors la réparation se fait pendant de quelques secondes. Hein? C'est un soubresaut qui se passe. À cause de cette restauration imparfaite, les fonctions vitales se détériorent. Le corps physique présente des signes de vieillissement et finalement la mort survient, bien que le processus de remplacement de la structure cellulaire se poursuive jusqu'au moment de la transition. Qu'est-ce qui vous permet d'effectuer une restauration parfaite de vos corps vital et physique? La possibilité d'être en paix avec vous-même. Si vous n'êtes pas en paix avec vous-même et avec le monde dans lequel vous vivez, ce qui comprend toutes les personnalités et les conditions, vos implications émotionnelles et mentales perturberont votre sommeil et feront interférence dans votre contact avec les plans intérieurs. Mais ces forces vitales sont si puissantes que même si la séparation de l'ego de ces véhicules inférieurs est imparfaite, la récupération pendant un sommeil agité demeure quelque chose de phénoménal. Si la séparation pouvait être contrôlée consciemment, l'immortalité serait à portée de main de l'initié. Nous en dirons plus sur le rôle du sommeil dans l'immortalisation du corps physique, mais pour l'instant ce sera suffisant. Les ramifications de ce sujet sont pratiquement interminables et l'anatomie occulte est une étape de la physiologie sur laquelle on en sait relativement peu. Depuis quelques années, depuis au début du siècle, on commençait à avoir des données sur le processus physiologique du sommeil et des phénomènes qui en suivent. Cependant, la majeure partie de ce qui nous est connu nous est parvenu au cours des âges au moyen d'observations effectuées par ceux qui possédaient le don de clairvoyance. C'est en se fondant sur de telles observations que l'immortalité du corps, du mental et de l'homme a été établie. On a constaté, en dirigeant l'observation introspectivement sur soi, il n'y a aucune raison pour que la mort s'empare de l'individu s'il vit dans des conditions normales et respecte les lois de sa nature sur tous les plans, corps, homme, esprit, afin que les trois soient étroitement liés. Alors cette observation intuitive provient de l'introspection sur soi, sa véritable nature. Jusqu'à présent, nous avons vu que l'homme possède un corps physique. Il a aussi un corps vital qui peut maintenir les énergies qui sont nécessaires pour que le corps physique remplisse son rôle. Ce qu'il faut maintenant, c'est un motif pour agir. Le besoin s'exprime par le désir. L'émotion est essentielle. Exprimer le désir, telle est la fonction du corps astral, le troisième véhicule dont peut se servir l'homme pour pénétrer dans les plans situés au-delà du monde physique. Le corps astral est un prolongement plus subtil du corps physique et du corps vital, et il permet à l'homme de pénétrer dans le monde des émotions. Oui, parce qu'il y a un mouvement astral, qui est céleste, ni plus ni moins, qui met tout l'organisme en mouvement. Et dès qu'un homme a acquis cette possibilité de se dédoubler spontanément ou avec effort, là, il peut maîtriser ses forces. Le corps astral est le véhicule au moyen duquel l'homme s'exprime sur le plan astral. Le corps astral est constitué d'une substance atomique qui a atteint la fréquence vibratoire de la lumière invisible, c'est-à-dire lumière invisible à la vue physique, mais discernable pour le clairvoyant. La science moderne reconnaît que la lumière visible est un prolongement atomique de la matière physique, ainsi que l'ont montré les expériences avec le bétraton dans lequel il a été possible de condenser la lumière et en obtenir des cristaux chimiques. Déjà bien avant ces expériences modernes en laboratoire, la science spirituelle avec ses méthodes de perception hautement raffinées a affirmé cette vérité que la lumière n'est que le prolongement de la substance d'une étoile. Ainsi, la science physique moderne a confirmé ce que l'ésotériste sait depuis longtemps. Alors dans ce domaine-là, les deux s'entraident mutuellement, n'est-ce pas? Que l'intuition philosophique, la perception, confirme ou devance ce que la science a découvert par la suite. Je termine ce chapitre-là. Le corps astral s'étend à environ 30 ou 40 cm au-delà du corps physique et à un peu moins du corps vital. Ainsi, le corps dont la vibration est plus basse se trouve à l'intérieur de celui dont la vibration est la plus haute. Ces trois corps ont tous la forme humaine. Lorsque certains disent voir des fantômes et certaines manifestations de type spirit, il s'agit du corps astral. Exactement, ça c'est le double spirituel, on peut identifier les noms qu'on voudra, mais c'est la réplique qui a possédé le corps physique, qui existait avant et qui persistera après la mort, la dissolution du corps physique. Celui-là perdure. Bon, s'il y a apparition fantomatique, là, ça veut dire que le corps astral, lui, perdure. Il perdure, oh, définitivement, oui. Mais comment peut-il faire interférence sur le plan physique Il y en est le moteur. Il y en est le moteur. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'il y a certaines de ces apparitions qui vont se manifester, mais pas en règle générale, ce sont des cas d'espèces ou particuliers? Oui, il faudrait analyser chacun en particulier. C'est toute une tâche. Hein. Les spirites ne sont pas organisés. Ils nous rendent compte des phénomènes, mais ils ne les analysent pas. Alors, il y a encore du travail de recherche à faire dans ce domaine-là. Et chaque cas de manifestation semble être différent des autres. Mais à l'arrêt général, on peut dire le corps libéré agit selon les lois de sa nature. Ce que l'on appelle ici le corps astral est appelé aussi le corps de désir, par exemple chez les roses. Oui, le corps de désir, justement. Puis toutes les organisations ont une nomenclature différente. C'est ça qui sème la confusion parmi les étudiants. On pourrait peut-être comprendre que si un fantôme se manifeste sur le plan physique, c'est parce qu'il y a un désir qui est très relié à la matière. Oui, puis, oui. Et maintenant, il y a ceci, c'est que les chercheurs n'ont pas su synchroniser leur travail. Alors, il y a plusieurs nomenclatures. Celle qui est la plus pertinente et la plus efficace, c'est encore celle des Rosicruciens. Pas nécessairement ceux d'Amok, mais ceux d'Adjunta, qui ont fait une anatomie, une physiologie assez savante. On ne peut pas faire autre chose avec ça. C'est un traité d'anatomie et de physiologie, okay, véritablement. Alexandre, je pense que la semaine prochaine, c'est déjà le symposium, oui, le 24. Oui. Symposium réconciliation avec la vie, là. Alors, on va encore parler beaucoup d'anatomie du corps, oui. Et surtout des...